bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bienvenue à ce nouveau Mardi de l'espace, consacré cette semaine, ce mois-ci d'ailleurs même plus tôt, au New Space. C'est un vent nouveau qui s'est levé dans l'espace, n'est-ce pas Xavier ? Il est des milliardaires que l'on aimerait voir un peu moins sur la Terre. Donald, quand est-ce que tu pars ? This is the brand new space, made for brand new billionaires. This is the brand new space, made for brand new billionaires. Il y a le projet Mars One, au point depuis quelques jours. Un beau voyage spatial, sans espoir de retour. This is a brand new space, made for the brand new billionaire. This is the brand new space, made for brand new billionaire. Une fois que tu seras là-haut, va donc finir tes jours sur Gerasimenko. Tu seras un vrai amour, car quand passera la comète au-dessus de nos têtes, sa jolie chevelure sera plus blonde, c'est sûr. This is a brand new space, made for the brand new billionaire. This is a brand new space, made for the brand new billionaire. Tous avec moi, hey. This is a brand new space, all right. Made for the brand new billionaire. This is a brand new space, made for the brand new billionaire. Merci. Alors voilà une dizaine d'années, le monde du spatial semblait très solidement structuré et pour longtemps, avec des agences, donneurs d'ordre, avec des industriels, souvent des mastodontes qui faisaient pas mal la loi aussi aux côtés des agences, et puis des scientifiques. Et puis un beau jour est arrivé un nouvel acteur, des nouveaux acteurs, ceux qu'on a appelés les astropreneurs. Ils avaient des points communs, ils venaient souvent du monde de l'Internet. Ils avaient fait fortune, ils étaient riches à milliards. Et puis, ils avaient décidé de ne pas laisser au placard leur rêve de gosse. Dans les années 60, dans les années 70, on leur avait dit, c'est sûr, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera sur Mars. Vous pourrez partir dans l'espace comme vous prenez le train. Eux ont dit, OK, on va le faire. Oui, effectivement, n'importe qui pourra aller dans l'espace. Et oui, on va aller sur Mars dès demain. Et puis, à ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'est que la NASA, c'est que la Maison Blanche a décidé de leur faire confiance. Et il faut bien croire qu'ils n'ont pas eu tort, parce que le pari semble en voie d'être gagné. Effectivement, le domaine spatial est très fortement impacté, touché, peut-être même bouleversé par l'arrivée de ces astropreneurs, par l'arrivée de ce mouvement du New Space. On l'a vu notamment parce que les prix de l'accès à l'espace ont fondu. Hein, ne serait-ce que, et puis certains satellites également, leur prix a beaucoup fondu. Alors, comment expliquer cette réussite qui paraissait quand même assez improbable, voici une quinzaine d'années ? Jusqu'où ces astropreneurs vont-ils aller ? Et puis, comment l'Europe réagit-elle ? Comment est-ce qu'elle reprend l'initiative face à ce défi du New Space ? Voilà, c'est quelques questions qu'on va peut-être se poser, que vous allez pouvoir poser, parce que je vais venir vers vous. Je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Gilles Raguin et Michel Faupe. Ben merci infiniment d'être avec nous tous les deux. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes, Gilles Raguin, Michel Faupe ? Donc, je suis Michel Faupe, je suis en charge des activités innovation et prospective au CNES depuis 10 mois maintenant. Et dans une vie antérieure, dans les 20, les 30 ans qui précèdent, j'ai à peu près exploré les marges de ce qu'on peut faire dans une agence spatiale nationale. C'est-à-dire que je suis un ingénieur opticien au départ. Et j'ai fait à peu près tout ce que ne fais pas un ingénieur opticien, c'est-à-dire je n'ai pas fait d'observation de la Terre, ni d'observation scientifique. J'ai fait des télécoms, j'ai fait du suivi de croissance de cristaux en microgravité. Donc en fait, j'ai exploré les marges et puis ben, je vais essayer de faire explorer les marges au reste du monde maintenant. Donc voilà. L'innovation, la prospective, voilà, vous l'avez devant vous, le monsieur innovation et prospective au CNES. Donc ça veut bien dire que quand on parle du New Space, ben, qui est-ce qu'on fait venir? C'est la personne de l'innovation et de la prospective, hein, parce qu'on se projette dans l'avenir avec le New Space. Gilles Raguin. Donc moi aussi, une carrière un petit peu particulière, puisque je suis avant tout un ingénieur en électronique qui s'est plutôt mis sur les grosses fusées, les lanceurs, donc loin de l'électronique. J'ai passé 4 ans, quand j'étais jeune, 4 ans en Guyane, sur les opérations de lancement au sein du CNES et d'Arianespace. Après, j'ai fait une très longue carrière à la direction des lanceurs du CNES, principalement dans l'équipe projet Ariane 5. Et puis différentes évolutions Ariane 5. J'ai rejoint le siège en 2008 pour m'occuper de stratégie, de prospective. J'ai rejoint l'équipe de Michel. Et ça fait un certain nombre d'années. Dès 2007, je me suis un petit peu intéressé à qu'est-ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Là, il se passe des choses. Là, on sent que ça bouge. Alors bon, comme tout le monde partout, mais non. Ça va pas durer, ça va pas. Mais si, ça a duré. C'est ce qu'on entendait à l'époque, hein, 2007. Bien sûr. C'était il y a 9 ans. Ça va jamais marcher. Bah, il se passe des choses intéressantes, ce qu'on va en discuter aujourd'hui. Alors avant de vous passer le micro, je vais me permettre de vous poser quelques questions, Gilles Raguin et Michel Faux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi finalement ce mouvement du New Space est en train, avant même qu'on le définisse, hein, mais c'est quoi les bouleversements, quels sont les effets qu'on peut sentir dès aujourd'hui concernant ce New Space, Gilles Raguin? Alors comment résumer les effets? Je dirais déjà les effets aux États-Unis, puisque de toute façon le mouvement est parti quand même des États-Unis. Et l'effet numéro un, c'est qu'on parle quand même beaucoup plus de SpaceX que de Boeing ou de Lockheed Martin. Il y a 15 ans, Boeing, Lockheed Martin, à chaque fois que j'écrivais des articles là-dessus, je disais les géants du spatial, et on parle donc plus d'eux. Les anciens sont un petit peu été un peu secoués. On a quelque part, ce qui est, je crois, le plus intéressant, c'est le côté rêve qui a été remis. Alors, on en rediscutera après, mais je ne sais pas si en 2025, SpaceX se posera sur Mars. Mais ce côté... Comme Elon Musk le prétend, hein, le patron Elon de Musk SpaceX. Dit, ouais. Mais on a remis du rêve dans le spatial. Et je dirais quelque part, c'est ce qui est peut-être un peu disparu ces dernières années. C'est le côté faire rêver la population. Et ça, on le retrouve aux États-Unis. Michel Faup, vous aviez l'air de dire non, le rêve... c'était ironique. Je ne fais pas les mêmes rêves. Donc, non, on parle beaucoup de rêves comme s'il n'y avait pas des visions économiques et d'hégémonie derrière. Et donc, c'est pour ça que je... D'accord, je comprends. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on a mis le rêve en avant parce qu'il y a des effets de communication. Le rêve existait. On a fait des choses magnifiques pendant les 30 dernières années aussi. Donc, il y avait des choses qui auraient dû faire rêver, mais on ne les a pas forcément utilisées comme instrument à vocation de communication. Et par contre, le rêve aujourd'hui masque des enjeux qui sont des enjeux stratégiques, des enjeux économiques. Et il faut faire attention de ne pas se laisser leurrer par le rêve. De ne pas se laisser leurrer, d'accord. Il y a du rêve, mais derrière, il y a des ambitions stratégiques et politiques importantes. Il ne faut pas les oublier. On y reviendra. Évidemment, mais restons un peu sur ce rêve, parce que je me souviens qu'on a fait ici, ailleurs, vous avez lu des articles sur la réutilisabilité. Et il y a encore une dizaine d'années, la réutilisabilité d'un lanceur, d'un lanceur, on disait non, les lanceurs ne sont pas réutilisables, c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir mettre en œuvre un jour, mais techniquement, c'est extrêmement compliqué, et économiquement, c'est pas sûr que ce soit vraiment intéressant à faire. Et puis, on avait l'exemple de la navette qui se voulait réutilisable, qui était réutilisable, mais ça coûtait tellement cher à la remettre en fonctionnement, si je puis dire, pour pouvoir repartir dans l'espace, que finalement, on avait vraiment un contre-exemple, un contre-modèle, là. Et finalement, on a un Elon Musk qui arrive de nulle part, qui n'est pas du monde du spatial, qui arrive de l'Internet, qui dit « Moi, je vais le faire », il le fait. Il le fait. Enfin, là, je vais être un petit peu plus mitigé. OK, il le fait. Il s'est posé, il n'a pas encore démontré la faisabilité économique. La navette, c'était pareil. Il n'a même pas encore réutilisé le booster. Jeff Bezos, enfin Blue Origin, a déjà réutilisé plusieurs fois un étage. C'est pas le cas de SpaceX. Donc, soyons bien d'accord. Jeff Bezos, c'est aussi quelqu'un du New Space, c'est un astropreneur. Et vous êtes en train de me dire que lui, il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a un lanceur. Il l'a réutilisé en termes de démonstration. Un lanceur uniquement un premier étage qui fait que du suborbital. Il est monté dans l'espace. Alors, il n'est pas allé jusqu'à l'orbite. À 100 km, c'est pas très haut, mais il est redescendu, il s'est posé. Ça marche très très bien, ne touchez à rien. Alors, continuez, pardon. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, la navette, c'était pareil. La navette, l'idéal, l'objectif de la navette, c'était... On était exactement dans le même message. C'est-à-dire, c'est réutilisable, donc c'est moins cher. Comme c'est moins cher, il va y avoir de plus en plus de lancements. Et comme il y aura de plus en plus de lancements, ça sera encore moins cher. Et donc, ça attirera encore plus d'applications. La NASA s'est plantée. La navette marchait très bien, mais... Tous les trois vols, en gros, fallait refaire complètement les modes, changer les moteurs, etc. Et tous les 100 vols, on avait un accident majeur aussi, quand même. Et il y a eu le problème des accidents. C'est autre chose. Mais en dehors de ça, d'accord. C'est presque un petit peu de chose. Économiquement, ils n'ont pas réussi à tenir leur pari. Donc, les coûts ont explosé, contrairement à ce qu'ils attendaient, ça diminue. Les coûts ont explosé, et donc, il n'y a pas eu d'augmentation de lancement, etc. Musk est exactement dans la même démarche. C'est-à-dire, je vais avoir un lanceur réutilisable. Il a démontré qu'il s'est récupéré le premier étage. Et c'est fabuleux. Non, on en a tous rêvé. Il se pose à nouveau. Ce qu'il a fait, on en a tous rêvé. Se poser sur une plateforme en mer, il y a une prouesse technique. Chapeau, chapeau, il n'y a pas de problème. Maintenant, derrière, combien va coûter la remise en état de l'étage? Combien de fois il va pouvoir le réutiliser? C'est toute l'équation économique derrière. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, vous continuez à être sceptique? Non. Non, je suis factuel, je veux dire. Vous posez des questions quand même. Ça marche, ouais. Techniquement ça marche. Maintenant, c'est l'équation économique qu'il faut satisfaire. Elle a déjà été tentée, elle n'a pas marché. Est-ce que cette fois-ci, ça marchera? J'aimerais bien que ça marche. On est tous la logique qui est on fait plus de lancements, les lancements sont moins chers, donc on fait plus d'utilisation de l'espace, on fait plus de choses dans l'espace. C'est vraiment, on en rêve tous. Mm-hmm. On a tous ce souci de baisser le coût de lancement. Mm-hmm. Est-ce que c'est par la réutilisation qu'on baissera le coût de lancement? Je ne sais pas. Mm-hmm. Exemple trivial, un briquet c'est joli, une boîte d'allumettes ça coûte beaucoup moins cher, ça fait la même chose. D'accord. Donc peut-être, quel est le meilleur moyen de baisser le coût du lanceur? Je sais pas, on ne sait pas aujourd'hui. D'accord. Il y a plusieurs voies. D'accord. Alors, Michel, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste qu'effectivement, ils l'ont fait. Alors, ils l'ont fait avec différentes conditions. C'est-à-dire qu'effectivement, ils arrivaient dans un contexte dans lequel les capacités de logiciels, parce que finalement, ce qu'on ne voit pas, c'est aussi les changements de capacités qui sont à disposition aujourd'hui et qui ne l'étaient pas dans le passé. En matière informatique, ouais. Et qui effectivement permettent de faire de compenser des choses qui étaient considérées comme étant non compensables précédemment et qui amenaient au scepticisme sur est-ce que c'est faisable. Donc le numérique a apporté des solutions. Donc, le numérique. Alors quoi par exemple? Dans ses capacités. La capacité de faire des algorithmes qui gèrent le vol. On fait de manière extrêmement le vol de retour de manière extrêmement efficace. Premier étage, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Et donc, ce n'est pas non plus un hasard inexpliqué. C'est la conjonction entre le fait que ces acteurs viennent d'un domaine du numérique et qu'ils maîtrisent une technologie qui effectivement permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui étaient inaccessibles précédemment. Voilà. Donc c'est pas un miracle et c'est pas juste parce qu'ils ont claqué les doigts, ils ont eu l'audace, c'est qu'ils avaient en même temps les compétences pour y arriver. Ils avaient des solutions techniques qui n'allaient pas de soi. Alors comment est-ce que vous définiriez le New Space finalement, ces astropreneurs que... Qu'est-ce qu'il a fallu C'est la conjonction de quoi pour que le New Space finalement soit une réussite? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le New Space plus généralement? Depuis quand ça démarre? Moi, je te le démarre en 2000, ça tombe bien, hein, c'est une bonne date. En 2000, a dénommé Jeff Bezos, qui accessoirement avait créé déjà une petite boîte qui s'appelle Amazon, créé Blue Origin avec la volonté de pouvoir envoyer des milliers, si ce n'est des millions de personnes en orbite. Deux ans plus tard, dénommé Elon Musk, qui lui avait fondé cofondé avec plusieurs autres personnes une boîte PayPal, qui avait revendu PayPal. PayPal, donc, c'est ce logiciel qui permet de faire des transactions financières sur Internet. Et qui investit l'argent qu'il récupère. J'irais peu d'argent. J'irais Elon Musk, c'est quelques centaines de millions de dollars. Ridicule. C'est ridicule. Jeff Bezos a toujours tourné à plusieurs milliards et aujourd'hui, il a au moins une cinquantaine de milliards de dollars. J'ai lu que sa fortune personnelle est élevée à 65 milliards de dollars, Jeff Bezos. Mais il a perdu 3 milliards suite à l'élection de Trump par chute de l'élection. Il va y regagner. Donc, en 2002, Elon Musk crée SpaceX, dont l'objectif est la colonisation de Mars. Dès le départ, c'était l'objectif donné. Ensuite, il y a eu toute une période qui est toutes les années 2008, 2010 et autres, où on a vu apparaître plein de sociétés destinées à l'observation de la Terre. Planet Lab, Skybox Imagine, et puis on a vu dernièrement tout ce qui est constellation de satellites de télécom pour diffuser Internet partout. Donc, ça, c'est une première vision. J'irais concrètement, factuellement, c'est quoi le New Space ? Et on voit que ça a quand même 16 ans aujourd'hui. Maintenant, moi, je le présente, le New Space, en disant que c'est trois choses. Est-ce que je peux me permettre de rajouter une date? Je crois qu'en 2004, on a quand même c'est le COTS, c'est la création du COTS. Oui, alors ça, je vais venir. Ensuite, il y a trois choses. Un, le côté très visible, qui est le côté milliardaire, etc. Ça, c'est le New Space, c'est une des composantes. Ça, c'est une des composantes. Deuxième composante, une volonté claire de l'administration américaine. Et je vais revenir dessus. De les aider, et troisième de leur mettre le pied à l'étrier. Et troisième composante qui est la transition numérique. La même chose que tous les secteurs rencontrent aujourd'hui, que ce soit les automobiles avec la voiture autonome, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, le logiciel permet de faire des choses qu'on n'envisageait pas il y a 5, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors, premier point, les milliardaires. Bon, on les a vus. Vous en avez quelques photos dans ce qu'on vous a distribué. Donc, alors on peut aller voir la galerie de portraits. On peut aller voir la galerie de portraits. Alors avant de parler des milliardaires, est-ce que vous avez mis ce que je vous avais envoyé? Je ne suis pas sûr. Laquelle? Une planche sur les gourous. Oui, non, ils ne sont pas. Il faut voir quand même, il y a un certain nombre de personnes qui, depuis, j'ai appelé les gourous, mais on en voit deux sur une des planches, qui depuis 20 ans, 25 ans, disent mais la conquête de l'espace, ça marche pas. L'État américain investit des milliards depuis des années et puis on voit rien. Et faut revenir au principe de base américain, c'est-à-dire la conquête de l'Ouest, c'est les entrepreneurs, c'est les fermiers qui l'ont faite. La conquête spatiale, ça doit être les entrepreneurs qui l'ont faite. Bon, ça, c'est des gens comme Peter Diamandis qui a créé. Alors on le voit, page 5, Peter Diamandis, qui a créé en particulier l'ISU, l'université de l'espace à Strasbourg. Donc une université consacrée au spatial qui fabrique, si je peux dire, qui forme des ingénieurs dans le domaine du spatial à Strasbourg, n'est-ce pas ? Un dénommé James Cameron. Bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous dans cette salle ont vu, par exemple, Avatar, donc cinéaste bien perdu. Ray Kurzweil, qui est un des papes du transhumanisme aux États-Unis, qui est maintenant Chief Evangelizer chez Google. Ça existe comme poste. D'accord. J'ai pas trouvé ce poste au CNES, mais ça existe dans d'autres domaines. Donc un certain nombre de, mais aussi des gens comme Laurie Garver, qui à une époque a été numéro 2 de la NASA. Qui a été numéro 2 de la NASA à une époque. Qui sont tous des personnes qui ont toujours été dans cette mouvance et qui ont trouvé un public parmi les milliardaires des jeunes milliardaires venus d'Internet. Qui se sont intéressés à l'espace. Et donc, on a vu apparaître les Jeff Bezos, les Elon Musk, et tous ces gens-là se connaissent. C'était l'intérêt de cette planche où on voit numéro 5. On voit un vol 0G, où on voit James Cameron, Peter Diamandis, Elon Musk qui sont ensemble en faisant un vol 0G. Donc, un vol 0G, c'est-à-dire un vol en avion dans lequel on a une absence de gravité pendant une trentaine de secondes. En avion. Donc tout ça, c'est un réseau qui s'est mis en place et qui est derrière les SpaceX, Blue Origin, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est beaucoup plus, à mon avis, fondamental, c'est le côté administration américaine. L'administration américaine a fait un constat il y a de nombreuses années. Côté NASA, c'est que les lancements coûtaient cher, que les missions spatiales coûtaient cher et coûtaient de plus en plus cher. De plus en plus cher, tout simplement parce que les choses simples, on les avait fait avant, et que ce qu'on faisait, c'est des choses de plus en plus compliquées, que comme les budgets, eux, n'augmentaient pas, la situation financière n'était pas terrible, si on la projetait à plus loin. Donc, quelques personnes à la NASA, donc Michael Griffin, Laurie Harvard, dont j'ai déjà parlé à l'époque, ont eu cette idée de se dire, on va s'appuyer, on va faire appel, programme CODES de la NASA, pour desservir l'ISS. On va faire un programme particulier. La Station Spatiale Internationale. On va faire un programme particulier qui ne va pas respecter les règles habituelles d'achat de la NASA, qui va utiliser un nouveau process où, en gros, on laisse à l'industriel le droit de faire ce qu'il veut du moment qu'il nous offre un service clé en main de desserte de l'ISS. C'est une rupture incroyable. C'est une rupture avec... Et ce n'était pas tout à fait de la subvention, quoi qu'on en dise des fois, parce qu'il y a bien une volonté, c'est bien un marché en disant il y a des jalons, où ils respectent leurs jalons, et s'ils ne respectent pas, on les vire. Et le programme CODES... Je donne un exemple qui ira avec eux. Dans le programme CODES, les deux premiers... retenu, c'était SpaceX et Kistler Aerospace. Kistler Aerospace n'a pas tenu ses jalons. Il s'est fait virer du programme. C'est la première fois aux États-Unis que dans un programme de la NASA, un industriel se fait virer et a été remplacé par Orbital Science Corporation, qui a fait le développement d'Antares Cygnus. Alors, pour bien se comprendre, la Station Spatiale Internationale, jusque-là, a été desservie en hommes et en fret par des industriels. Enfin, il y avait du Boeing, il y avait du Lockheed Martin. Attends, était desservie par la navette, oui. Et à la mort de la navette, est desservie uniquement par Soyouz. Donc, c'est pas par un drone russe. Donc, l'intérêt de la NASA, c'était de faire développer un système de desserte de l'ISS américain, privé, indépendant des Russes. Donc, jusqu'ici, c'était la NASA et les Russes. Hein. Plus de navette, il faut trouver un successeur. Eh bien, voilà, on va se tourner vers le privé. Maintenant, donc, l'idée, c'est l'orbite basse, l'orbite de la Station Spatiale Internationale, qui est peut-être la plus facile à atteindre, hein, si je puis dire, eh bien, elle sera desservie à partir de ce moment-là par des engins qui ont été conçus entièrement par des industriels. Alors, ça a été... Il ne faut pas croire que ça a été si simple que ça. C'est-à-dire, beaucoup de gens à l'intérieur de la NASA étaient contre. Une partie du Congrès américain était contre. Bizarrement, les Républicains, d'ailleurs. Et en finale, je dirais, la réussite de SpaceX et d'Orbital, même si Orbital a eu un échec assez important et SpaceX a aussi des échecs récemment, je dirais, c'est une réussite qui convainc la NASA de l'intérêt, puisque la NASA va passer maintenant au vol habité. Deuxième aspect, quand même, de l'administration américaine, c'est aussi... la défense américaine. Bon, vous savez ou ne savez pas, mais la défense américaine dispose d'outils extraordinaires de surveillance de la planète. Ils ont des satellites qui font près de 20 tonnes en orbite d'observation de la Terre. Et satellites qui font 20 tonnes en orbite d'observation de la Terre et de radar. Satellites donc qui sont aux limites de ce qui est techniquement faisable d'observation. C'est-à-dire, on sait mesurer, ils savent avoir le numéro d'immatriculation d'une voiture, etc. par satellite. Donc là, on est vraiment aux limites. Le problème de ces satellites, c'est que le jour où il y aura une guerre avec, je sais pas, bon, un pays en Asie dont le nom pourrait commencer par C, par exemple, c'est évident que le premier jour, tous ces satellites seront détruits. Avec un missile, hein, ils sont hauts, ils vont très vite, ils vont très vite, mais on peut les détruire avec un missile de tirer depuis la Terre. Voilà. Donc le souci de la défense américaine, c'est de disposer de moyens résilients et de pouvoir remettre en orbite rapidement des satellites qui pourraient remplacer tout ça. Et dès il y a plus de 15 ans, on trouve des textes de l'administration américaine, de la défense américaine, qui dit on va favoriser le développement par des industries privées de petits satellites d'observation de la Terre, de petits satellites radars, etc., pour pouvoir faire des constellations et autres. Et c'est pas tout à fait anormal que, comme par hasard, les gens, par exemple, qui ont fait Planet Lab sont des anciens... Planet Lab, donc, qui est une boîte qui fait des satellites d'observation de la Terre. Au départ de NanoSat, ensuite, ils ont de tout petits satellites. Bon, ils ont un peu grossi depuis. Que ces gens-là sont issus du centre AMES de la NASA, qui est le centre de la NASA dans la Silicon Valley. AMES, A-M-E-S. Dont le patron, à l'époque, était un ancien de la DARPA, l'agence de la défense américaine de recherche. Le New Space, il y a aussi une volonté derrière de l'administration américaine de faire développer des nouveaux systèmes de moyens résilients pour la défense américaine et disposer de moyens plus légers. Et enfin, troisième point, comme je dis, ce qu'on trouve toujours dans tous les secteurs aujourd'hui, la transition numérique qui fait que tout ce qui est logiciel, l'intelligence artificielle, etc., on peut faire des traitements d'images, on peut faire des choses, on peut faire des satellites beaucoup plus petits. Et ça, c'est avec le numérique. Qui est la troisième point. Et New Space, c'est tout ça. Alors, New Space. Il va vous couper la parole. Voilà. Hein. Je crois que c'est bon là. Je crois qu'il a gagné là. Il faut l'écouter maintenant. Là, vous l'arrêterez plus. faut pas se leurrer sur le rêve. Paul, t'as la tête dans les étoiles. Les milliardaires font pas la trêve. Il faut croire qu'ils aiment bien la maille. Et comme par hasard, les militaires sont sur le coup depuis un bail. Ah oui, ils sont bien là. Hein. Non, mais, et donc, en finale, faut que le New Space, ce n'est pas seulement un Jeff Bezos avec Blue Origin et Elon Musk. C'est aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 800 entreprises qui sont identifiées comme des entreprises du New Space. Et beaucoup sont du style vraiment de la start-up Internet, c'est-à-dire quelques personnes qui créent une boîte, qui ont une idée. Derrière, c'est créer un écosystème financier. Ça, c'est important. C'est typiquement américain. C'est-à-dire là, vous avez vraiment tout le système des capital risques qui considère l'espace comme un secteur aussi intéressant demain qu'a été Internet hier. Quelque part, c'est un petit peu leur credo. Et donc, il y a presque 12 milliards entre 2005 et 2015, 12 milliards de dollars qui ont été investis par toutes ces boîtes de capital risque. En 15 ans. Bon, c'est faible par rapport à l'étatique, mais c'est quand même non négligeable. Et je dirais que le New Space, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tout ça. Donc derrière, il y a des choses qui sont... j'avance peut-être sur vos questions, mais je dirais, il y a des choses qui peut-être... Si un jour Elon Musk se rend compte qu'il ne pourra jamais aller sur Mars pour des raisons diverses et variées, il arrêtera peut-être. Par contre, le fait que la défense ou la NASA veulent des lanceurs moins chers... Ça continuera, ou le fait qu'il y ait des gens, que le numérique permette de faire des traitements d'images aujourd'hui qu'on ne savait pas faire hier, ça continuera. Donc il y a des choses qui sont en questionnement, il y en a d'autres qui continueront. Michel Faup, est-ce qu'on peut parler avec vous, alors parce qu'on a beaucoup parlé de lanceurs là jusqu'ici, est-ce qu'on peut parler avec vous de ce qui se passe dans le monde des satellites? Oui, les Jeff Bezos, les Elon Musk et d'autres encore, ils sont dans le domaine du lancement. Mais dans les satellites aussi, ça bouge énormément. Il y a du New Space dans le monde du satellite. Alors, dans le monde du satellite, on pourrait dire que ça remonte plus loin. Encore. Alors bon, je vous passe cette habitude, je suis connu parce que je remonte jusqu'à l'Holocène, mais bon, on s'arrêtera à la première génération de constellations dont j'ai fait partie. Finalement, j'étais responsable constellation. Il faut rappeler ce qu'est une constellation. Constellation, c'est un nombre de satellites, entre plus que deux, en règle générale plusieurs dizaines, qui sont en orbite basse et qui assurent collectivement une performance à la fois, alors donc si c'est de l'observation de la Terre, de fauchée et de résolution au niveau de l'image et de répétitivité, de précision et de répétitivité, c'est-à-dire que comme on a un certain nombre de satellites, on repasse régulièrement au-dessus de la même zone en télécom. Elles vont assurer en même temps d'avoir un meilleur bilan de liaison parce qu'on est plus proche du sol, donc on pourra avec un petit récepteur se mettre en communication avec les satellites. Comme j'ai beaucoup de satellites, je peux les mettre près du sol. Voilà. Du et coup, ils assurent la continuité de service en passant les uns après les autres. Voilà. Donc ça, c'est une constellation. Une constellation qu'on connaît bien, c'est la constellation Galileo ou GPS. Voilà. Alors Galileo, donc, c'est des dizaines de satellites, c'est de la navigation qui tournent autour et en permanence, on a des satellites qui sont présents au-dessus de nos têtes qui nous permettent de connaître notre position. Et donc, dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, il y a une première génération de constellations qui voit le jour. Et là, les géants qui, à l'époque, portaient ça étaient Boeing qui proposait une constellation de télécom qui faisait 748 satellites. Donc, wow. Comment elle s'appelait ? Elle s'appelait Télédésic. Télédésic, ouais. Voilà. Et il y avait une réponse européenne au concept qui s'appelait Skybridge. Skybridge, ouais. Voilà. Et l'ensemble de ça s'est arrêté avec l'éclatement de la bulle Internet. Et aussi... Il devait faire des télécoms. Hein, et il devait faire des télécoms pour l'essentiel. Oui. Et le but était de faire les premiers systèmes de télécommunication à la fois vers la téléphonie mobile et pour faire des systèmes d'accès, c'est-à-dire pour faire de l'Internet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas la technologie. La technologie qui était nécessaire pour mettre en œuvre ça était encore trop chère. Elle était trop chère à bord des satellites. Ça faisait des satellites trop gros et elle était trop chère au sol pour les antennes pointables vers ces satellites, etc. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé entre 1990 et la nouvelle génération de constellations qui apparaît maintenant? C'est qu'effectivement, la loi de Moore s'applique, donc pas uniquement en électronique, elle s'applique aussi sur trouver des nouveaux matériaux qui permettent de faire de meilleurs pointages moins chers pour les terminaux au sol. Et donc, on a effectivement deux nouveaux géants qui viennent d'Internet, qui sont directement intéressés par les performances de ces satellites, parce que ça leur permet de faire des bras de fer avec les opérateurs de télécom qui sont leurs fournisseurs. Donc, ils utilisent le spatial comme une menace vers leurs fournisseurs pour obtenir de bonnes conditions de service. Et ça coûte moins cher, finalement, de prendre la main sur un système spatial que de déployer des infrastructures sol. Ces gens-là sont donc à la fois les utilisateurs et ils ont un besoin d'infrastructures. Donc, ils sont en train de verticaliser. Ils ont les moyens de verticaliser. Vous parlez des Google, donc, etc. Les Google, c'est ça, ouais. Voilà, donc ce qu'on appelle les GAFA. Qui s'intéressent à l'espace maintenant. Voilà, hein. Facebook. Ouais. Voilà, donc chacun... Facebook a des projets dans le spatial également. Exactement. Et donc, chacun a mis dans son carnet des propositions, alors soit de constellations, soit de systèmes en orbite géostationnaire, on y reviendra peut-être, mais globalement il y a une course à l'espace qui est lancée et qui amène à concevoir des satellites qui, au lieu de coûter plusieurs dizaines, voire une centaine de millions d'euros, vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, 500 000 euros donc, pour un satellite. Donc, il y a un facteur 5 ou un facteur 10 ? Facteur 100. Facteur 100, pardon. Facteur 100. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce facteur 100 ? Alors, on a divisé un certain prix par 100, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Voilà. En combien de temps ? Disons 5 ans. 5 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Mais alors, donc, première chose, on a accepté que le satellite n'est pas un objet parfait. On a accepté que le satellite n'est pas un objet parfait. Voilà, donc la culture du secteur spatial, c'est qu'un satellite, ça coûte cher parce qu'il va falloir le lancer. Les lanceurs, on en a parlé, c'est quelque chose d'extrêmement cher. Donc on a intérêt à faire un objet qui va avoir la meilleure des performances le plus longtemps possible pour rentabiliser l'investissement initial. Et donc, on a construit une culture du secteur spatial qui est « je fais l'objet » le plus beau, donc le plus parfait. Il est surtesté, surspécifié. Généralement, on lui dit qu'il va durer 5 ans, il en dure 15, et ainsi de suite. Donc, on a un objet absolument magnifique, mais qu'on n'a pas le droit de dégrader. À partir du moment où on accepte que cet objet est un objet usuel, comme un stylo bille, et qu'il a le droit donc d'être en panne, votre stylo bille, de temps en temps, la bille ne roule plus très bien, vous allez le frotter sur quelque chose pour la semelle de votre ouais. chaussure, pour la débloquer, ouais. Et vous acceptez cette indisponibilité, vous acceptez que l'objet est partiellement défaillant, il ne répond pas exactement à votre attente. Eh bien, pour le satellite, ce n'était pas autorisé jusqu'à présent. Alors à partir du moment où on ne se l'autorisait pas. À partir du moment où on autorise ça, on peut concevoir un satellite totalement différemment, dans lequel on accepte qu'il y ait des fautes, des pannes potentielles, mais on va faire en sorte que ces pannes n'amènent pas à la mort du satellite éventuellement, mais à une certaine état résilient dans lequel on va pouvoir remonter. Donc des modes un peu dégradés, il est pas parfait, mais c'est pas grave. Voilà. La mission, on arrive quand même à la remplir peu ou prou. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir prendre des composants qui ne sont pas des composants qui sont résistants aux radiations, donc à l'ambiance spatiale, et donc qui coûtent beaucoup moins cher. Et puis, on va mettre ces satellites, on va en produire des milliers, donc plusieurs centaines. Donc au niveau ramené au niveau composant, c'est énorme. La production de panneaux solaires pour la constellation OneWeb, c'est l'équivalent de la production mondiale d'un an. Ah oui. De toute la production mondiale de panneaux solaires spatiaux. D'accord. Donc vous voyez bien que les facteurs d'échelle... OneWeb, c'est une télécommunications... Constellation 900 satellites. Voilà, 900 donc, satellites, c'est une constellation européenne. Hein. Évidemment, c'est comme un supermarché qui achète de la viande bovine, en gros. Ouais, et évidemment, il se compare à un épicier local. Ouais. Évidemment, il a des prix moins chers. Donc on voit, en 5 ans, certains prix ont été divisés par 100. Bon, je vous passe le micro, je viens jusqu'à vous, vous levez la main, je t'en prie. Bonsoir. Ma question, c'est pourquoi pas en Europe? On a pourtant des milliardaires, alors pourquoi rien ne se passe? Alors, ce sont nos milliardaires européens. C'est faux. Donc, rien ne se passe pas. En fait, j'ai parlé de la constellation OneWeb. Alors, le siège de la constellation de OneWeb, la compagnie... Donc, c'est 900 satellites 900 prévus. Satellites, hein. Voilà. Donc, la constellation, la compagnie a son siège à Jersey. Jersey, autant que je sache, est en Europe. Le maître d'œuvre de cette constellation s'appelle ADS. ADS. Il y a quelqu'un qui a dit plus pour longtemps, je crois. Oui. Si, parce qu'elles ne font pas le Brexit. Oui. Effectivement, elle reste en Europe. Pas dans le Brexit. Donc, le maître d'œuvre de la constellation s'appelle ADS. Airbus. Donc, Airbus Defence and Space. Avant, c'était EADS. La compagnie de lanceurs, qui à elle toute seule représente 40% des coûts. Et Ariane Espace, donc ASL de nouveau. Donc, en fait, cette constellation est totalement européenne aujourd'hui. Voilà, donc en fait, c'est un effet de communication. On a la sensation que cette initiative... Que ce New Space, que ces grands mouvements-là... est purement américain, mais il n'est pas que américain, il est mondial. Et nos acteurs sont dedans. Alors, il faut savoir qu'on part d'une situation dans laquelle le monopole du développement des constellations était européen. Les constellations dont je vous ai parlé des années 80, il y en a un certain nombre qui sont arrivées. Et donc, hormis la constellation de navigation de défense GPS, qui est fabriquée évidemment par des constructeurs américains, toutes les autres constellations actuellement en orbite sont fabriquées par l'industrie européenne. Donc, l'Europe n'est pas absente. L'Europe ne fait pas de la com autour de ce qu'elle fait. Mais on n'a pas aussi ces milliardaires hein, qui donnent de la visibilité. Alors, finalement. Hein. C'est clair que... Parce que monsieur, la question, c'était où sont nos milliardaires ? C'est sûr que si vous savez convaincre messieurs Pinault et autres, plutôt que faire des musées, de s'intéresser à l'espace. Mais bon, on n'a pas des jeunes milliardaires, peut-être Xavier Niel ou des gens Xavier comme Niel, ça. Ouais. Xavier Niel, c'est pourrait le patron être, de Free. Pas patron de Free, pourrait être intéressé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas sur les trois piliers dont je citais tout à l'heure de New Space, on n'a pas ce pilier de milliardaires qui sont intéressés. Mais il commence à y avoir un certain nombre de jeunes qui essayent de faire des projets de constellations de micro, de nanosat, etc. Michel Faupin. Alors, donc, je vais quand même aussi défendre l'Europe. Quand même. On a aussi les deux plus gros opérateurs de télécommunications spatiales du monde, avec SES au Luxembourg, Eutelsat en France. Donc, effectivement, ce ne sont pas des milliardaires au sens individuel du terme, sauf que ce sont des acteurs qui ont une capacité à la fois de réaction, d'investissement, et ces acteurs réagissent. Facebook, alors son satellite a explosé dans l'explosion de SpaceX, pas de chance. On peut se demander s'il n'y avait pas une théorie du complot qui pourrait naître. Mais il n'empêche que donc, Facebook s'est allié à qui ? À Eutelsat pour aller dans le New Space vu du côté d'un GAFA comme Facebook. Alors, soyons bien clairs. Ouais. Donc, Facebook a des projets dans le spatial, fait construire un... C'est pas qu'il le fait construire. Non, Il utilise un satellite qui a été construit par Eutelsat. Hein, c'est bien ça. Enfin, c'était son intention, en tout cas. C'est encore plus compliqué. Ah, d'accord, oui. Il fait un montage. En tout cas, le montage est avec Eutelsat, c'est-à-dire un Européen. Voilà. Alors, c'est un montage avec Eutelsat qui doit d'abord utiliser un satellite fabriqué par Israël pour occuper la place, c'est-à-dire pour réagir rapidement. Et ensuite, il y a un accord, toujours, pour venir peupler avec de la forte capacité sur les besoins de Facebook en partenariat Eutelsat-Facebook. Parce que l'idée de Facebook... Il faut expliquer ce que Facebook fait dans l'espace, quand même. Qu'est-ce qui... Alors, juste un dernier mot quand même à Michel Faux, puis ensuite on vous écoute. Qu'est-ce que Facebook va aller faire dans l'espace ? La même chose que Google. En fait, ils essaient à la fois de verticaliser leur chaîne, c'est-à-dire ils sont des utilisateurs de télécom, donc verticaliser leur chaîne de valeur est important. Alors, la deuxième chose, c'est qu'ils font pression sur les opérateurs terrestres pour obtenir la performance qu'ils veulent. Très concrètement, leur idée, c'est avoir un satellite géostationnaire, donc qui reste toujours au-dessus du même point terrestre. Ouais. Donc l'idée, c'est que le satellite soit au-dessus de l'Afrique, n'est-ce pas ? Par exemple. Ouais. Bon. Au-dessus de l'Afrique, en se disant, là, il y a un continent qui est en devenir, voilà. Il va y avoir des télécommunications, et moi, si je leur vends, et moi, je vais faire installer des antennes dans les villages africains gratuitement. Et puis vous qui vivez dans ces villages, bah, vous me paierez une petite redevance à moi Facebook pour utiliser l'antenne et pour avoir de l'internet. C'est pas tellement payer une redevance. Non. Le problème aujourd'hui de Facebook et de Google, c'est qu'en gros tous les Occidentaux ont un compte Google, enfin se servent de Google et Facebook. Et donc leur seule croissance possible, c'est de conquérir des nouveaux marchés. Ailleurs, oui. Et donc, mais le problème, c'est que ces nouveaux marchés, ils n'ont pas forcément Internet. Et donc, plutôt que d'attendre que quelqu'un se décide un jour à faire un réseau en Afrique, par exemple, Internet, eh ben, leur idée, c'est de l'offrir au travers de satellites directement et donc de pouvoir se montrer. Sachant qu'ils ont une concurrence sur l'Afrique, qui sont certains gros acteurs comme ce qui s'appelle Baidu, Alibaba, etc. C'est-à-dire l'équivalent des GAFA, mais côté chinois. Baidu, Alibaba, ce sont des Chinois, des opérateurs chinois. Ce sont les équivalents des Amazon, Google et autres, mais chinois. C'est ça. Qui, eux, savent très bien s'implanter sur les marchés émergents. Donc là encore, il y a toujours derrière des aspects géostratégiques. Mais là, c'est extrêmement important aujourd'hui pour Google, Facebook et autres de pouvoir conquérir les marchés émergents de demain, pour avoir de nouveaux acteurs derrière. Alors, on a beaucoup parlé des GAFA. GAFA, vous savez, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Voilà. Et on dit parfois les GAFAT avec Twitter en plus. GAFAM avec Microsoft, d'accord. D'autres interventions. Bonjour. J'aurais aimé savoir comment les acteurs européens, particulièrement étatiques ou industriels, mais liés à l'industrie aérospatiale actuelle, je pense à Arianespace, mais aussi aux Russes, comment ils réagissent à cette montée des New Space, en fait ? Est-ce qu'ils ont des plans de lutte, puisqu'ils sont directement menacés, je pense, par la baisse du coût des satellites et des lanceurs C'est à la fois une très bonne opportunité. Je prends l'exemple d'Arianespace que je connais assez bien. La constellation de Skybox Imagine, Skybox Imagine était une constellation à la base créée par trois jeunes d'observation de la Terre qui ont gagné le jackpot, c'est-à-dire qu'ils se sont fait racheter $500 millions par Google. La constellation, elle est en partie mise en orbite par Arianespace. OneWeb, Michel en a parlé, c'est Arianespace qui va la mettre en orbite. Airbus qui est positionné. Donc, je dirais, c'est déjà une opportunité. Et je dirais, quelque part, le New Space, même s'il est parti d'un autre côté de l'Atlantique, aujourd'hui, crée des emplois, rapporte de l'argent en Europe. Ensuite, maintenant, il faut savoir aussi résister. Bon, c'est, je sais pas si on parlera un petit peu d'Ariane 6, etc. Mais je dirais, il y a cette volonté aussi d'adapter nos outils industriels. Typiquement, Ariane 5 a été conçu avec des objectifs d'un environnement qui était l'environnement de la navette, la concurrence des lanceurs américains, etc. En se basant sur l'acquis d'Ariane 5, on travaille aujourd'hui, donc on a lancé le développement qui a été acté définitivement d'Ariane 6 pour optimiser l'organisation industrielle, optimiser au niveau technique, pour arriver à un coût du lanceur qui est parfaitement concurrent de SpaceX actuel. Donc, il y a à la fois ce côté... Ariane 6, donc l'objectif, ce n'est pas de faire plus grand, plus fort, plus loin, etc. C'est de faire moins cher. C'est de faire un lanceur concurrentiel. Voilà, c'est ça. Concurrentiel en ce qui concerne le prix. Le prix. Et alors, un lancement typiquement d'Ariane 5, c'est quoi, 140 millions d'euros, quelque chose comme ça. Un certain coût. Au cours de cet ordre-là. Et Ariane 6, l'objectif, c'est quoi? 70. 70, donc on divise par deux. Oui. C'est incroyable quand même. On divise par deux avec Ariane 6. Oui, on cherche à... Donc on est parfaitement dans les coûts de SpaceX aujourd'hui. De SpaceX, oui. 70. Donc, il y a à la fois ce côté, c'est important, c'est à la fois, nous sommes des acteurs du New Space au travers de l'industrie. On est aussi des acteurs de... Et on arme notre industrie pour résister. Je parlais de Twitter, là, tout à l'heure. Si vous avez envie, vous pouvez... Commenter la soirée qu'on vit sur Twitter avec le hashtag KnessTweetUp. Pardon. Où est-ce que tu nous emmènes là ? On va en Arabie là ? C'est d'un goût très douteux, mais bon, je me lance. Alibaba, il va se faire voler le marché du web dans tout le continent africain. Et y a quoi de s'énerver, Google et Facebook sont de petits garnements. Bonjour. En ce qui concerne les levées de fonds en France et en Europe, hein, parce qu'on parle de Skybox, 500 millions d'euros, de dollars, est-ce qu'il y a une réponse pour l'observation de la Terre en microsatellite en France et en Europe, et en particulier des acteurs privés ? On parlait des milliardaires, mais il y a aussi EADS qui peut participer aux levées de fonds, ou Thales. Est-ce que y a une, est-ce qu'en France, on essaye de mettre en place des levées de fonds qui vont pouvoir concurrencer l'industrie américaine au niveau du spatial ? La situation est un petit peu compliquée. Enfin, la question nécessite beaucoup de détails. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place pour les premiers tours. En fait, quand on fait des levées de fonds, il y a plusieurs tours. Quand on appelle levée de fonds, c'est j'ai une entreprise, j'ai une idée, j'ai une start-up, voilà. J'ai besoin d'argent tout au long du développement de mon entreprise à plusieurs étapes. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été mises en place au niveau français, mais au niveau européen, pour le premier tour. Donc les premiers fonds initiaux, on est extrêmement efficace en termes de moyens. C'est quoi, c'est des centaines de milliers d'euros ? On parle de centaines de milliers d'euros, mais il faut quand même... C'est comme si vous preniez un bébé et vous disiez, bon, attendez, je parle que quand il aura 10 ans, mais en attendant, je ne nourris pas. Bon, donc effectivement, il faut quand même... La première condition, c'est aussi que pendant le premier tour de table, on ait trouvé ces conditions. Et ça, c'est fait. Voilà. Donc, et l'Europe était assez bien dotée pour ce genre de choses et ça n'a pas été un effort colossal. L'étape du deuxième tour est une étape un peu plus compliquée. Donc là, nos amis en Europe, nos amis britanniques ont mis en place un fonds qui s'appelle Seraphim, qui est un mélange entre les fonds privés et les fonds publics et qui effectivement permettent d'assurer ce deuxième tour. En France, on commence à le mettre. Alors, la France a une tradition publique, donc on a aussi une banque, une BPI qui est mise en place, qui sert à ça. La banque publique d'investissement. Qui sert à mettre en place des fonds d'amorçage qui viennent encourager le reste des acteurs privés à venir contribuer au deuxième tour de table. Le troisième tour de table, là, c'est un tour de table qui nécessite les grands acteurs privés. Alors, il nécessite parce qu'en fait, en plus de faire un tour de table pour déployer, il sert en même temps à sécuriser la chaîne d'utilisation. Donc, il faut absolument que les acteurs de ce secteur-là interviennent. Et là, on a effectivement des acteurs dans le secteur privé qui sont susceptibles de s'investir dans ce genre de choses. Donc, ce sont plutôt les gens, enfin, si on prend la France, les entités du CAC 40. Hein, on va voir Total, etc. Et on s'aperçoit que c'est... Vous êtes en train de me dire que Total, virgule, etc. Oui. va mettre de l'argent dans le spatial ? Pourrait. Ah, pourrait. Bien sûr. Alors, pourquoi ? C'est un objectif que vous fixez, non ? Non, ça se fait ou pourrait, ça se fait simplement pas ? Parce qu'ils sont eux-mêmes menacés. Parce qu'en fait... Attendez, vous nous expliquez ça. Vous êtes en train de nous dire que Total va investir dans des start-up au troisième tour de table parce qu'ils sont menacés. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Dans le domaine du spatial. La partie... les acteurs américains qui investissent aujourd'hui investissent pour verticaliser, ce que je disais, leur chaîne de valeur. Et leur chaîne de valeur va jusqu'à l'ensemble de la mobilité, donc incluant évidemment tous les flux, la gestion de tous les flux vitaux. Donc la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie et la gestion des transports. Et donc tous les acteurs qui sont dans ces domaines-là sont potentiellement menacés par l'ambition de verticalisation de ces acteurs américains. Attends, en quoi Total ? Parce que je comprends pas ce que ça veut dire verticaliser le flux de valeur ou je sais pas, la chaîne de valeur, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en revanche, si vous me dites comment est-ce que Total est menacé par les GAFA ? Alors, regardez dans quoi investissent à part le spatial, dans quoi investissent ces acteurs-là ? Ils investissent dans quelque chose qui s'appelle une Tesla. Ouais. Tesla, voiture autonome. Voilà. Voiture autonome électrique. Donc, quel ça, lien... c'est Elon Musk. Oui. Quel lien ça a avec le spatial ? Aucun. Voilà. En fait, le lien, c'est que ce sont les secteurs qui sont les secteurs stratégiques qui vont amener en dehors du grand public qui amène de la consommation à travers Internet, quand on clique, etc. Ce sont les grands acteurs qui vont gérer les infrastructures terrestres. Donc ceux qui vont acheter du service. Et j'ai intérêt, effectivement, en tant que prestataire de services comme le Google ou n'importe lequel de ces GAFA, de leur prendre une partie de leur activité. Voilà. Donc là, vous êtes en train de dire que Renault, par exemple, est aujourd'hui concurrencé par un acteur comme Tesla, donc il y a un nouveau fabricant de voitures. D'ailleurs, c'était intéressant, on a dit que ces milliardaires souvent venaient du monde du numérique, et l'un de vous m'a dit, en fait, la voiture Tesla, qui est une voiture numérique, qui est donc créée par Elon Musk, qui est aussi à SpaceX, donc j'espère que vous arrivez à suivre, il a dit, voilà, la voiture Tesla, qui est une voiture électrique, en fait, ce n'est pas une voiture. C'est quoi, cette voiture Tesla ? C'est un ordinateur à quatre roues. Voilà, vous avez voilà. C'est une présentation que j'avais eue de l'ancien directeur qualité de Tesla, qui était un Français, un ancien de Renault, et qui avait intitulé sa présentation « La Tesla Model S, un ordinateur à quatre roues », pour bien expliquer que ce n'était pas une voiture conçue par des gens de l'automobile, mais une voiture conçue par les gens de la Silicon Valley. Donc ils sont en train de s'étendre, là, bien tous sûr, ces gens. Bien sûr. Ouais. Juste pour rebondir bien sur sûr. Ce que disait Michel, parmi un des gros investisseurs dans les 12 milliards que j'ai cités, il y a Monsanto. Monsanto investit dans le spatial. Investi dans le spatial en rachetant une boîte intéressée, une boîte qui travaille sur quoi ? La météo. D'accord. La météo spatiale, etc. Ça a intéressé Monsanto. Ah ouais. Une boîte qui fait de la météo et qui utilise le satellite pour ça. J'irais pour finir quand même sur cet aspect du business. On a les mêmes problématiques. J'irais, la problématique n'est pas une problématique du spatial. C'est une problématique globale des investissements en numérique, etc., en Europe. C'est-à-dire, il n'y a pas tout cet écosystème qui a permis aux Américains de développer ces milliers de boîtes Internet, etc. Et je veux dire, c'est le même écosystème qui intervient pour le spatial aujourd'hui. Et ça, c'est une des grosses problématiques européennes. D'autres interventions, tout au fond là-bas, je viens jusqu'à vous. Pardon, excusez-moi, je me faufile, merci. Bonsoir. Thomas Pesquet a publié la semaine dernière une lettre ouverte concernant le Clean Space. Donc moi, je voulais savoir, par rapport à la multiplication des acteurs dans le New Space, comment on va pouvoir gérer tous les lancements, parce qu'avant, il y avait la NASA, il y avait... l'ESA et puis les Russes, les Chinois sont rajoutés, les Indiens, les Japonais. Donc avec la multiplication des acteurs, comment on va faire pour lancer sereinement un objet dans l'espace, le faire revenir et puis ne pas endommager ce qui vole déjà ? Donc effectivement, c'est une bonne question, la prolifération des objets dans l'espace. Qui, évidemment, en fin de vie, crée ce qu'on appelle des débris, c'est-à-dire un satellite qui est passivé, mais qui reste en orbite, en tout cas pendant un certain temps. Et quand on va multiplier le nombre de satellites, évidemment, on peut se dire que la situation va devenir de plus en plus compliquée. Alors, la bonne nouvelle, quand même, hein, c'est que les acteurs qui font ça sont les premiers à être handicapés par le problème. Donc, c'est ça, en règle générale, quand quelqu'un est handicapé par ses propres ordures, il commence à faire attention, à pas les laisser devant son palier. Donc, pour pouvoir continuer à sortir de chez lui. Et là, on aura un peu la même chose. Et on s'aperçoit que quand on prend, par exemple, le cas d'OneWeb, qui envisage de lancer 900 satellites, donc c'est totalement non négligeable en termes de nombre de satellites qui vont se retrouver en même temps en train de faire à la fois des opérations critiques, qui sont les opérations pour accéder à l'orbite et la quitter, et qui vont potentiellement mourir rapidement, c'est ce que je vous disais avec ces problèmes de satellite qui n'est plus parfait. Eh bien, alors que la législation actuelle dit qu'on peut se permettre de rentrer en X années avec une probabilité de succès de 0,9, en fait, se sont dit non, nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va rentrer beaucoup plus vite, hein, et avec une probabilité bien plus élevée. Parce que nous, on veut pouvoir mettre notre deuxième génération de satellites en orbite, donc on va nettoyer notre orbite. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, hein, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que des grands acteurs. Il y a aussi un foisonnement de petits acteurs. Et donc ça, eh bien, ça va être la mise en place de réglementations. Et le droit spatial est un droit extrêmement actif. Les juristes ont toujours à inventer de nouvelles solutions et effectivement, ils sont en train de se poser la question de la réglementation à mettre en œuvre pour gérer ça. Hein, voilà. Donc j'ai bien le sentiment de dire que c'est un work in progress, mais le point est un vrai point. D'autres interventions peut-être ? Oui. Oui, au départ, vous avez dit que la NASA avait décidé d'aider les milliardaires. Et je crois, et finalement, j'avais compris plus ou moins qu'ils avaient financé en avance les travaux, les lancements de SpaceX. Et aujourd'hui, il y a cet incident chez SpaceX. Alors, les Européens ont un répit. Mais est-ce qu'on n'aura pas toujours en Europe un temps retard si en Europe, on n'a pas également ce financement public qui permet aux industriels de pousser les limites ? Alors bon, SpaceX a eu des financements au sens où il y a eu un appel d'offres. Donc c'est notamment le fameux COTS dont on parlait tout à l'heure. COTS. Alors, programme COTS, c'était 800 millions de dollars. C'était 840 millions de dollars à partager entre deux acteurs. Donc en gros, SpaceX a eu un peu plus de 400 millions de dollars. Il en a dépensé beaucoup plus quand même. Et donc plus. Pour créer un système, comme j'ai dit, c'était avec un système de jalons qui faisait. Il avait une planification, des jalons à tenir. Soit il tenait ses jalons et il touchait son argent, soit il tenait pas ses jalons, il touchait rien. Ensuite, il y a eu le programme de dessert. Alors, il a fait son développement, le lanceur a été qualifié au bout de 3 lancements. À partir de là, la NASA a passé des contrats avec SpaceX et aussi avec Orbital. De desserte de l'ISS. Donc là, c'est des contrats fermes, 133 millions de dollars pour chaque lancement. Lancement qui comprend le lancement, c'est pas qu'un lanceur, hein, c'est un système de desserte de l'ISS. C'est-à-dire qu'il y a le lanceur Falcon 9, la capsule Dragon dessus, et sur les 133 millions de dollars. Capsule, c'est le vaisseau. Oui, ce qui n'est pas beaucoup. Qui n'est pas habité. Hein. 133 millions de dollars, ce n'est pas beaucoup pour une mission où il y a le lancement, la capsule qui va jusqu'à l'ISS, reste 15 jours accrochée à l'ISS et rentre sur Terre en ramenant des expériences, du fret de l'ISS. Donc, je dirais, ce qui est extraordinaire par contre, c'est qu'avec ça, SpaceX gagne de l'argent. C'est-à-dire, il gagne de l'argent et avec cet argent, il se fait des développements sur fonds propres. Falcon Heavy, un certain nombre de choses. Alors la question, il y a un financement mais important. Ce financement, ouais. Nous aussi, nos industriels qui font Ariane 6, qu'on fait Ariane 5, le développement a été payé par les États européens. Je veux dire, il n'y a pas de différence sur le fond. On est, dans tous les cas, quelque part, dans des partenariats publics-privés. À chaque fois, c'est des partenariats publics-privés. C'est des partenariats publics-privés. Je n'irai pas forcément formaliser sous ce nom, mais l'État amène donne un financement, achète des prestations et l'industrie développe en rajoutant ou pas ce qui est nécessaire pour assurer le fonctionnement global. Ariane 6, ça coûte combien le développement ? T'as une idée ? Alors, c'est combien le chiffre officiel ? On est dans les 3 milliards et demi. On est dans 3 milliards et demi, voilà. Il y a un peu d'argent quand même. Il y a un petit peu d'argent. Il y a un petit peu d'argent quand même. D'autres interventions ? Peut-être pour rebondir sur cette question-là, c'est justement de financement et de quand il y a une volonté politique en Europe de faire quelque chose. Si on prend, moi, je prends l'exemple de la microgravité, l'utilisation commerciale de l'ISS. Il y a une volonté en Europe, il y a une volonté de développer le commercial, il y a une volonté aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont créé Cassis, ils ont mis 15 millions de dollars par an dans Cassis. En Europe, et je connais un petit peu le sujet, il y a une volonté de le faire aussi. J'ai créé ma start-up justement dans le domaine. Mais derrière, pour avoir un financement direct à la Cassis pour aider ce développement de la microgravité commerciale, c'est extrêmement compliqué de la part des institutions. Le CNES, l'ESA ne veulent pas financer directement, ils veulent aider en nature, apporter de l'expertise, etc., mais pas un financement direct, même s'il était plus petit, même si c'était un 15e de ça, des 15 millions, ça serait déjà énorme en Europe. Je ne connais pas exactement les modalités de financement de Cassis. Qu'est-ce que c'est Cassis ? Je ne sais, je d'accord, sais pas. On connaît pas. Voilà, mais... Alors, toi, il va nous expliquer, monsieur va nous expliquer ce que c'est. En fait, les États-Unis ont pris une décision très très forte en 2001, je crois. C'était de transformer le 50% des capacités américaines de la Station Spatiale Internationale en ce qu'ils appellent un laboratoire national. À partir de là, ça veut dire que toute entreprise, toute entité américaine, entreprise, laboratoire public, a le droit d'y accéder gratuitement. Donc le lancement est offert, le temps d'astronaute est offert. Et en plus, pour inciter les entreprises commerciales à aller utiliser ces installations pour leur R&D, Procter & Gamble, Novartis et d'autres sont déjà montés plusieurs fois, ils ont dit mais on va mettre créer un fonds payé par le Sénat. Et donc c'est le CASSIS, c'est le centre pour l'avancement de la science dans l'espace, équivalent en anglais. Ils ont 15 millions de dollars par an à distribuer pour aider pour les premiers tests. Ensuite, le privé prend le relais derrière. Donc du financement d'accès à la Station Spatiale Internationale pour réaliser des expériences quand on est un industriel. Alors, d'une part, il existe des programmes équivalents. Alors, pas dans le domaine de l'ISS, mais il existe des programmes équivalents en Europe qui permettent effectivement d'aider les industriels à mettre en place leurs premières expériences, à les valider. Alors, énormément sur le secteur aval. Hein, donc, il y a un programme à l'ESA qui s'appelle IAP et qui sert exactement à ça et qui est doté finalement de bien plus que 15 millions d'euros par an. Et qui par contre répond à des problématiques de retour géographique, c'est-à-dire c'est les pays qui financent, qui donnent des accès à leur industrie. Il y a des programmes qui sont en train d'être mis en place du côté de la Commission européenne, exactement dans le même but, hein, d'aider à l'accès à l'espace. Donc les choses progressent. Voilà. Donc en revanche, La vision de l'utilisation de l'ISS par l'Europe était une vision scientifique. On part donc d'une situation dans laquelle, effectivement, les fonds qui étaient mis en place au niveau de l'ISS étaient pour des applications scientifiques initialement. Voilà. Donc on a à étendre les schémas, mais ces schémas européens existent. Donc on devrait, avec un peu de patience, y arriver. Voilà. Je repensais tout à l'heure à un système conçu par Microsoft et je m'interroge s'il y a une panne, est-ce qu'on aura l'écran bleu, est-ce qu'il faudra faire contrôle à Dell pour reprendre la main sur... Enfin bon, passons. L'autre question que j'avais plus sérieusement, encore que celle-là était assez sérieuse, c'est l'arrivée prochaine d'un personnage au prénom de canard dans une fonction très importante. Aura quelles conséquences en pratique sur ça ? Parce que je suppose... D'ailleurs, je ne sais pas très bien quelle était la position d'Obama en matière de spatiale pour ce genre de choses. Donc, est-ce que le changement de gouvernement est susceptible de modifier dans un sens ou dans un autre, à part il faut rétablir la grandeur de l'Amérique, mais ça, c'est un peu du blabla. Dans la pratique, ça peut donner quoi ? C'est une excellente question. Bon, je vais essayer d'y répondre. Déjà, il y a un fondement quand même sur le côté américain. C'est ce qu'ils appellent le space dominance. Je crois que ça veut tout dire. Et ça, c'est quelque chose qui remonte de loin et qui est transverse à toutes les administrations. Deuxièmement, je rappellerai quand même qu'aux États-Unis, c'est un pays un peu onagéré, une structure assez compliquée. Et globalement, ces dernières années, le programme spatial est quasiment plus piloté par le Congrès américain que par la présidence. Donc, et comme le Congrès n'a pas changé, on reste quand même toujours très très républicain, mais Congrès. Les années Obama ont été Obama, c'est globalement, on n'était pas très intéressé par le spatial. si on prenait sa première déclaration sur l'espace, alors qu'il n'était pas à l'époque où il était président des États-Unis, mais où il était encore que candidat à la primaire démocrate, c'était en gros le spatial ça coûte trop cher, il mieux faire de l'éducation que faire du spatial. Bon, ensuite, quand il a été l'officiel candidat démocrate, il fallait qu'il récupère aussi les voix de Floride, de Texas et autres, donc il a eu un programme spatial. Il y a une spatiale qui est très importante. Et plus hein. Industrie spatiale, bien sûr. Mais son programme, je dirais globalement, les 8 ans d'Obama, il n'y a pas eu Bush avant, avait donné un grand objectif martien. Cet objectif martien était un peu arrêté. Et dans les faits, les 8 années d'Obama sont surtout des années de développement de moyens technologiques. Ça a permis d'avoir maintenant des lanceurs autres que ceux des Russes. Il y a la capsule Orion qui est en développement. Il y a le futur lanceur SLS qui est le gros lanceur pour aller sur la Lune et autres au-delà qui est en développement. Donc, avec SLS et Orion, on peut aller sur la Lune et peut-être un jour sur Mars. Et au-delà, enfin Mars, je ne sais pas, mais au moins au-delà. Il faudra un petit peu plus quand même pour aller sur Mars. Donc ça, c'est les années Obama, mais il n'y a pas eu de sortie concrète, si ce n'est sur tout l'aspect New Space qui est intéressant. Qu'est-ce que va amener Trump ? Trump, il y a quand même, au-delà de toute son image, ce qui est intéressant chez Trump, c'est quand même c'est le représentant, quelque part, de la vieille industrie. C'est quand même Trump, c'est aussi derrière l'industrie pétrolière, c'est l'industrie classique. On sait très bien que Trump, il l'a souvent dit dans ses discours, a une dent contre Amazon, contre Apple, etc., qui considère être des boîtes qui font perdre des emplois aux gens, à la classe moyenne et autres. Donc, la philosophie qui est d'aller vers l'orbite basse, c'est du privé, toutes les choses privées, à mon avis, ne va pas changer parce que c'est du fondement, c'est du bipartisan aux États-Unis. Par contre, ça veut dire que tout le monde est d'accord, démocrate et républicain. Tout le monde sont voilà. D'accord sur là-dessus. Par contre, peut-être qu'un Blue Origin sera moins favorisé qu'un Boeing ou qu'un Lockheed Martin. Qu'on risque de revenir vers plutôt soutien des industries traditionnelles. Il y a la question de SpaceX. Alors, la question de SpaceX, je l'ai regardée ce matin. Donc, c'est frais. C'est Elon Musk est cofondateur avec des nommés Peter Thiel de PayPal. Peter Thiel est, comme par hasard, le seul acteur de la Silicon Valley qui a été un soutien de Trump. Il fait partie de l'équipe de transition mise en place par Trump, et il est investisseur dans SpaceX, et donc c'est toujours un grand copain d'Elon Musk. Donc je ne suis pas trop inquiet pour Elon Musk. D'accord. Juste un petit complément, ça pourrait quand même avoir un effet aussi thématique. C'est pas un grand fanat de l'environnement. Et donc, une grande partie quand même du secteur spatial, hein, au-delà de ceux dont on a parlé jusqu'à présent, donc la gestion des grands enjeux d'infrastructure, les télécoms, le transport, c'est aussi la maîtrise de la compréhension du système Terre en termes d'environnement, cette vision globale, cet apport global, régulier d'informations. Et là, on peut penser que l'arrivée de Trump va amener un frein important sur les activités américaines dans ce domaine-là. Et alors donc, d'une certaine façon, c'est une opportunité pour l'Europe. C'est un des champs dans lequel l'Europe a fortement investi. Et donc, elle peut devenir, à travers ça, elle a l'occasion de devenir un leader réel et important si elle saisit ses opportunités. Donc oui, il y aura quand même des choses qui vont changer. Bonsoir. Moi, je ne suis pas du tout du domaine. Et je voulais savoir si dans les années à venir, dans un temps raisonnablement court, on pourrait avoir de nouveaux moyens d'envoyer des choses en orbite à des coûts plus, disons, beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. On aimerait bien. C'est pas Ariane 6, là, quand même. Mais bon, déjà, Ariane 6, on atteint les chiffres de SpaceX. Peut-être que demain, bon, on travaille au-delà d'Ariane 6. On travaille déjà sur le post-Ariane 6. On travaille sur les possibilités de réutilisation, etc. Maintenant, en disant que ça va coûter moins cher. En espérant que la réutilisation coûte moins cher, que l'équation économique s'améliore. Maintenant, je ne vois pas dans les 10, 15, 20 ans, 30 ans qui viennent des révolutions technologiques qui permettront de changer. Maintenant, entre une Ford T et votre voiture aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est toujours un moteur à explosion, elle a toujours quatre roues, un volant, des freins. Mais le coût est accessible quand même à c'est plus, tout le monde pour en acheter une, y compris dans les pays émergents. La qualité n'est pas la même, etc. Donc je dirais, la rupture technologique n'est pas indispensable non plus à une certaine innovation, à un certain progrès. Maintenant, la téléportation, on y travaille, mais enfin, peut-être pas pour 2030. Allez, on dira 2050. Bonsoir. On s'est mis d'accord au début de cet instant que le New Space, c'était soit un milliardaire issu d'une toute autre filière qui investissait massivement dans le spatial, soit une administration étatique qui ouvrait les portes à quelque chose qui était vraiment étatique avant, à l'industrie à capitaux 100% privés. Et en partant de ces paramètres-là, en Europe, on n'a pas ça. On a parlé tout à l'heure de nos milliardaires européens qui visiblement ne sont pas là. Et est-ce que nos administrations étatiques vont faire pareil un jour et ouvrir massivement les portes? Et je parle vraiment de new space, c'est-à-dire des nouvelles technologies. Aujourd'hui, le CNES avec ASL, etc., développe des choses comme Ariane 6. Mais bon, ça reste des nouveaux développements de fusées. Les Américains font pareil avec SLS. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on a des grands acteurs européens? Donc soit des milliardaires, soit des administrations étatiques qui ouvrent les portes à des capitaux privés sur de la vraie technologie New Space. Alors attention quand même, parce que par rapport à ce que vous venez de dire. D'une part, il n'y a pas que des milliardaires. Quand j'ai parlé à un moment, il y avait 800 entreprises identifiées aux États-Unis comme le secteur New Space. Derrière, on a 2-3 où il y a des milliardaires. Le reste, c'est des boîtes, c'est des startups créées par des jeunes. Issus de tous les milieux, issus d'Internet, etc., qui sont passionnés par l'espace, qui investissent quelques dollars à la base et puis qui, grâce à l'écosystème et autres, développent des choses. Ce qui est sûr, c'est que développer un lanceur, même si avec le New Space, vous passez de quelques milliards à quelques 700 ou 800 millions de dollars, vous n'avez pas en général, quand ça en sortant d'école, 700 ou 800 millions de dollars. Donc, par contre, pour faire un nanosat d'observation de la Terre et autres, là, donc je dirais, une grande partie du New Space, c'est comme Internet, c'est-à-dire ce sont des jeunes, je ne vais pas dire des boutonneux dans un garage, mais je dirais ce sont des jeunes qui sont intéressés par l'espace et qui trouvent par contre un écosystème qui va bien. Deuxième point, SpaceX ou Blue Origin, il n'y a pas de révolution technologique. Il y a de révolution industrielle. Le Falcon 9, c'est un lanceur. C'est le lanceur de SpaceX. C'est le lanceur de SpaceX. C'est du Kérolox. C'est un lanceur. C'est du kérosène, oxygène liquide, voilà. Comme propulsant. C'est le carburant, oxygène liquide. C'est un lanceur parfaitement classique. L'électronique est certainement plus. On a parlé un petit peu de logiciel. Ils ont mis au point un retour. Le retour, c'est des brevets Lockheed Martin qui datent des années 60. Le retour, c'est le retour du premier étage. Le fait de se poser à nouveau. Le système pour se poser, c'est des brevets Lockheed Martin des années 60. Je veux dire, il n'y a pas. Je veux pas non plus dénigrer ce qu'ils ont fait. On l'a pas fait. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Je veux dire, ils ont utilisé. C'est bien là, j'irais quelque part l'innovation. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait de l'invention technique pour la technique. Ils ont utilisé ce qui existait. Ils ont su bien l'utiliser et ils sont énormément et ils ont tout amélioré, à la fois les coûts et autres. Donc, je dirais, tout cet aspect-là, c'est ça aussi le New Space. Ensuite, la question des financements, je te laisse. Alors, il n'y a pas que des financements, il y a aussi des compétences. On l'a bien vu que dans le New Space, c'est aussi du transfert de compétences des acteurs publics vers les acteurs privés. Donc, c'est la NASA qui a donne des brevets, des ingénieurs. Qui envoie des ingénieurs NASA, etc., chez SpaceX, chez Orbital, etc. Exactement. Et ça, c'est en train, effectivement, de se mettre en place, que ce soit en Europe ou en France. Hein, donc, au niveau du CNES, ça fait partie de mes tâches. Hein, de vos tâches à vous. De mes tâches à moi, d'imaginer comment faire ça. Alors évidemment, on est une puissance, une agence spatiale d'une puissance moyenne. Donc, il faut qu'on trouve des méthodes qui sont adaptées à nos moyens, à notre tissu économique. Mais c'est effectivement ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, et au niveau de l'Agence spatiale européenne, il y a des programmes entiers qui sont en train de se décider. Et du côté des autres pays européens, il y a aussi énormément d'investissements sur le volet lanceur. Il y a des gens qui travaillent, il y a des picots lanceurs, comment faire des lanceurs plus petits, tout petits. Picots, tout petits. Voilà. D'accord. Et donc, effectivement, il y a aussi une effervescence qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire l'esprit entrepreneurial apparaît aussi partout dans le monde. En Europe, on regarde comment l'encourager, comment l'accompagner. Alors évidemment, on peut trouver que c'est jamais assez rapide. Il y a toujours l'exemple de celui qui n'a pas obtenu le soutien qu'il voulait quand il le voulait, mais on s'y attelle et on y travaille. L'expression New Space, vous la reprenez à votre compte, parce qu'on n'arrête pas de parler de New Space, parce que c'est eux qui s'appellent comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression New Space ? Elle laisse penser qu'il y aurait un old space. Ça laisse penser qu'il y aura un old space, et puis ça veut dire qu'il ne sera pas nouveau très longtemps. Donc ça sera donc un effet de mode, et qu'il suffit d'attendre, et ce new space sera aussi ancien. Donc il y a eu un rapport qui a été édité par Madame Fiorazzo qui proposait Madame Fiorazzo qui est notre ancienne ministre de la Recherche, ouais. Voilà, et qui elle proposait le terme de open space, et qui a le mérite d'être un peu plus explicite sur ce qu'on cherche à faire, qui consiste à ouvrir le secteur spatial à d'autres acteurs, à d'autres technologies. Et bon, moi personnellement, je suis assez d'accord avec la terminologie open space plutôt que la terminologie new space. Si tu veux t'envoyer en l'air, et ceci pour beaucoup moins cher, oui, je te promets d'y arriver sans panne, avec ma copine sixième du nom Ariane. Juste un point pour compléter aussi, parce que on a parlé théorie, il faut voir maintenant la réalité. Si on prend tout ce qui est observation de la Terre, donc là on est plutôt dans les domaines où c'est pas des milliardaires, c'est plutôt des jeunes à la base qui ont créé qui ont eu des idées. Sur les idées, il y a à peu près entre 30 et 40 constellations dont on a parlé depuis une dizaine d'années, même 15 ans d'ailleurs. Il y en a que 9 qui aujourd'hui ont concrètement, il y en a aucune qui sont complètes, il y en a que 9 qui ont des satellites en orbite, dont 3 chinoises d'ailleurs, accessoirement. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il se passe des choses. Donc on est quand même entre les 30-40 annonces et la réalité, il y a quand même un délai. Mais c'est comme Internet. Je veux dire, il y a eu des... Je pense que dans le news, à mon avis, enfin, là, c'est un avis personnel, mais je pense qu'on aura un petit peu comme ce qui s'est passé sur Internet. Internet, vous avez vu la grande explosion des années 90-2000, avec la bulle Internet qui a explosé, enfin, la bourse qui a monté, la bulle Internet, ça s'est effondré. Et puis ensuite, il y a eu les vrais, les réels qui sont de tout ça, qui sont sortis. Les réels, c'est les gars Google, Amazon, Facebook, etc. Ils n'étaient pas là à l'époque de la bulle Internet. Ils n'existaient même pas. Mais c'est derrière, c'est eux qui sont arrivés, qui ont raflé la mise. Raflé la mise, oui. Et, je dirais, quelque part autour du New Space aujourd'hui, il y a une explosion d'entreprises qui sont intéressées par l'espace. Je pense qu'au niveau des investissements, on est dans une bulle. C'est-à-dire qu'il y a... notamment aux États-Unis, grosso modo, vous venez avec une idée de constellation de satellites, tac, vous trouverez facilement au niveau 1 quelques centaines de kilos de dollars, et puis ensuite des dizaines de millions de dollars, et puis ensuite vous irez même jusqu'en bourse et autres, toujours sans avoir lancé de satellite d'ailleurs. À un moment, tout ça va aussi chuter. Et puis il y aura. Ça va exploser, il y aura une bulle qui va exploser. Mais derrière, il y en aura qui sortiront. Il y en a qui vont résister. J'irais SpaceX, pour moi, il ne dépend pas de Elon Musk, il ne dépend pas de SpaceX, il dépend de Tesla. Si Tesla réussit, financièrement, il dépend de Tesla. Si Tesla marche, il aura tous les moyens qu'il veut pour faire ce qu'il a envie de faire. si Tesla ne marche pas, il aura quelques menus problèmes. Jeff Bezos, mais SpaceX, c'est une entreprise, c'est une entreprise qui existe. Je veux dire, quelque part, même si dans 5 ans, c'est plus Musk qui a la tête, l'entreprise, elle existe. Il y a l'outil industriel, il y a tout qui est fait, qui existe, qui continuera. Blue Origin, Amazon, Jeff Bezos a des moyens, gros moyens. 65 milliards de dollars. Mais c'est pareil, je dirais, c'est toujours pareil, c'est des fausses richesses, puisque c'est avant tout des actions Amazon. Si Amazon fait faillite, il n'a plus rien, le monsieur. C'est pas un riche au sens, j'ai trois palais, des champs de pétrole, des actions, etc. Tout répond à une seule, il est patron de sa boîte, c'est tout. Mais il y aura un certain nombre de gens qui, derrière, gagneront. Mais je sais pas lesquels. Vous parliez de jeunes avec des idées, bah justement. Le 25, 26, 27 novembre, il y a un événement qui s'appelle le Startup Weekend. Et c'est l'édition de Paris qui a lieu donc les 25, 26 et 27 novembre. L'idée, c'est voilà, vous avez des idées dans le domaine du spatial, ben venez la présenter le vendredi. Et ensuite, vous avez 60 heures pour y réfléchir, la développer. C'est une sorte d'hackathon, si vous connaissez le principe. Et puis, il y aura tout un jury qui est là, des gens d'Air Liquide. Je crois ASL est également présent, donc Airbus Safran Launcher. Et le premier prix, c'est une visite du Centre européen des astronautes. C'est un prix qui est offert par l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, vous tapez, si vous êtes intéressé, vous tapez sur Internet SW, comme Space Weekend, Startup Weekend, donc sw-paris.space. Il y a deux questions là qui vont être posées dans quelques instants, mais peut-être qu'on peut quand même faire un petit tour de notre petit livret. Donc en page 1... Si vous regardez donc en page 1, on voit donc ce premier étage de lanceur qui s'appelle New Shepard de la société Blue Origin de Jeff Bezos. Donc c'est ce lanceur qui est parti Ça va à 100 km d'altitude. 100 km, donc l'espace, hein, c'est ouais. 100 km d'altitude. Moi, j'aime bien Bezos quelque part, parce que je trouve qu'on est vraiment dans Internet. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle dans Internet les méthodes agiles. C'est-à-dire Bezos, c'est pas je fais un lanceur, etc. C'est... Je vais faire un lanceur. Donc, pour faire un lanceur, je vais d'abord faire un premier étage. Alors, comme j'ai un premier étage, ben, je m'en sers. Alors, comme j'ai un premier étage, je vais m'en servir pour faire du tourisme suborbital. Puis maintenant que faut bien ce qu'on explique sur le tourisme suborbital, c'est avec ce lanceur qu'on voit là, je peux lancer une capsule. Qui va faire quelques... Jusqu'à 100 km d'altitude. Jusqu'à 100 km d'altitude. Donc, c'est pas très élevé. Qui va avoir quelques... 100 km d'altitude, c'est pas très élevé. On est à la limite de l'atmosphère. Voilà, c'est ça. La station spatiale, c'est 350 km, par exemple. C'est surtout l'intérêt, c'est d'avoir... On voit évidemment toute la rotondité de la Terre, etc. Et d'avoir toute une période en apesanteur. Et donc, on est 4 minutes dans l'espace. C'est exactement ce qu'offre Virgin, ce que veut offrir Virgin Galactic, etc. Mais ça, c'est cette démarche. J'ai un premier étage, donc je fais ça. Et puis ensuite, avec à partir de cette techno que j'ai acquise, je vais faire un lanceur qui est le New Glenn, qui va me permettre d'envoyer là des gens non plus en suborbital, mais en orbital. Et donc, c'est pour vers 2020. Et je dirais, on est vraiment dans cette vision méthode agile d'Internet. C'est-à-dire, à fur et à mesure que j'ai des éléments, et comme en plus, M. Bezos a quand même un petit peu de financement personnel, j'ai pas besoin de la NASA, j'ai pas besoin des autres pour faire. Je fais ce que j'ai envie et je le fais tout seul. En page 2, on a le Dream Chaser de Sierra Nevada. Alors, avec 4 images, donc celle en haut à gauche, vous voyez le Dream Chaser qui est sous la coiffe. Et vous voyez que le Dream Chaser a été conçu pour pouvoir aller aussi bien sur une Atlas 5 que sur une Ariane 5. Hein, il a les bonnes dimensions, on voit que les ailes sont repliées. Hein, c'est bien un petit vaisseau. À droite, ce petit véhicule, eh bien, il est capable de faire du reboost de la Station Spatiale Internationale, donc de pousser pour élever l'altitude de la Station Spatiale Internationale qui a tendance à retomber sur Terre, évidemment. En bas à droite, on voit que une fois que ce véhicule est posé à terre, eh bien tout de suite on peut avoir accès à la charge utile, à ce qu'on a récupéré de la station et qu'on a redescendu. Et puis vous voyez, elle est réutilisable pour plusieurs vols. Voilà, ça c'est quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, la Sierra Nevada Corporation. Sierra Nevada, ils arrivent toujours à grappiller quelque chose de la NASA. Dans les contrats, ils ont toujours quelque chose. Pour une raison simple, c'est des brevets de la NASA qui réutilisent. Mais c'est des gens sympas. J'aime bien le mais. c'est des gens sympas qui. D'accord. Puis bon, bah, ils sont sur la. Je dirais quelque part, SpaceX, Blue Origin, on est revenu au lanceur conventionnel. Eux, ils sont encore le système avec des ailes, donc t'as une capacité de rentrée beaucoup plus large, etc. Ça, c'est aussi. C'est bien, c'est ouvert. En page 3, on voit la Falcon 9. Donc, c'est le retour du premier, non pas du booster, hein, mais du premier étage. Donc, erreur, là, c'est bien le premier étage et pas le booster. Donc, on voit le booster, enfin, pendant le premier étage, donc, il se pose en pleine mer. Et on voit le petit trépied, là, extraordinaire pour se poser sur... un petit commentaire, là. Bon, voilà, ce qui est extraordinaire, c'est quand vous imaginez quand même rentrer de l'espace pour vous poser sur une plateforme en mer, plateforme qui bouge, etc., vous posez au mètre près, en gros, hein. C'est sympa. Page 4, on voit les entrepreneurs milliardaires. Donc, il y a Paul Allen, il est à droite sur la photo. Alors, Paul Allen, pour ceux qui l'ignorent, c'est le cofondateur et le Bill Gates de Microsoft. Ouais. Donc, il a quelques sous, lui aussi. Ouais. Bon, je ne sais pas où ça en est, parce qu'il est sur un Stratolauncher, donc qui était pour faire un lancement à partir d'un... où en gros, le premier étage, c'était un avion, enfin un super porteur. C'est ce qu'on voit là. Hein. C'était un super porteur. C'est ce qu'on voit sur l'image, le Stratolauncher. Ouais, j'y crois pas. Ça n'a pas l'air d'avancer, j'y crois pas trop. Il y a déjà suffisamment de monde dans le domaine. Du lancement, ouais. Richard Branson à gauche, donc avec Virgin. Donc là, on est en suborbital. Donc avec la société Virgin Galactic qui veut faire du suborbital, donc en dessous de l'orbite, mais envoyer donc des touristes spatiaux. Sympa, 4 minutes en apesanteur, bon. Jeff Bezos, Amazon, on voit sa bobine. Oui. Et puis Elon Musk, alors là, il est carrément le héros d'une BD ou quoi? C'est quoi cette histoire? Ça, j'avais chopé, t'imagines, sur Internet, donc c'est le Elon Musk superstar, le nouvel Edison, etc., etc., avec SpaceX, Tesla et SolarCity. Et vous me disiez, c'est l'un de vous deux qui me disait qu'au récent IAC, donc l'International Astronautical Congress, donc le congrès astronautique... Donc quand il a fait son annonce sur irait sur Mars en 2025, donc il y a des gens qui ont dormi dans la salle pour être sûrs de voir sa présentation. Et puis c'est la rockstar, quoi. C'est la rockstar. La page 5, on l'a déjà vue, on les voit. Alors, il y a une photo, c'est une personne qui est intéressante quand même, un autre milliardaire quand même dont on n'a pas parlé. C'est Robert Bigelow, Bigelow Aerospace. Donc lui, Bigelow, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout fait fortune d'Internet, puisqu'il a fait fortune dans les hôtels. Donc les bâtiments, tout ça, ça rappelle quelqu'un. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est... Alors, c'est des hôtels dans l'espace. Alors, ce n'est pas tout à fait des hôtels. C'est-à-dire, il n'est pas tout à fait fanat du tourisme spatial. Son idée, c'est d'offrir des stations privées. Alors, sachant que la NASA a déjà officiellement déclaré, je ne sais pas ce qui se passera, c'est qu'après l'ISS, après la Station Spatiale Internationale, eux, ce qu'ils veulent, c'est des stations privées dont ils loueront les services. Donc, Bigelow se positionne sur ce marché. Et pour lui, il y a deux marchés. C'est un, le marché des industriels qui ont envie de faire de la recherche dans l'espace, mais qui ne le feront jamais sur l'ISS, parce que sur l'ISS, vous avez des cosmonautes russes, américains, européens, etc., et des caméras partout. Aucun industriel sérieux va faire de la recherche avec toute cette surveillance. Donc lui, il offrirait une station privée pendant un mois, deux mois, un industriel, et l'industriel, il vit tout seul, il fait ce qu'il veut. Et puis, deuxièmement, des États qui ont envie de faire du spatial, d'envoyer des astronautes, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc l'Argentine loue un mois, deux mois sa station privée. Donc ça, c'est le schéma sur lequel il est. Donc créer une station spatiale privée. Et M. Bigelow a quand même aussi un support de la NASA, parce que la NASA, il y a, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques mois, Bigelow a accroché... Ça, donc lui, il utilise des modules gonflables, qui sont aussi des brevets NASA qu'il a récupérés. Des modules gonflables, ça veut dire... Vous l'envoyez à un module... Ce que j'en vois dans l'espace, c'est quelque chose qui se gonfle, et dans lequel les hommes peuvent vivre. Et donc, il y a eu un test qui est fait. Actuellement, il y a une structure gonflable de Bigelow qui est accrochée à l'ISS. Et ça marche ? Bah, a priori, ça marche. Il n'y a pas de fuite ? Ça ne semble pas. Bon, d'accord. Ariane 6, là, ça, c'est en page 6. Donc, Ariane 6, alors, ça voilà, peut paraître... Alors, voilà, on change, mais voilà. Donc, l'idée, c'est... Voilà, avec Ariane 6, on est encore... C'est la réponse européenne, finalement, à ce défi des coûts qui a été lancé par le New Space. Et on arrive quand même à diviser les coûts par deux. Ariane 6, à la fois... En deux versions différentes, soit deux boosters. À la fois par des améliorations technologiques, par des améliorations de production, par exemple... Le propulseur à poudre d'Ariane 5 qui fait 230 tonnes. Sur Ariane 6, il y en a deux. Enfin, quatre, en fait. Donc, au lieu d'avoir deux fois 230 tonnes, il y a quatre fois 120 tonnes. Donc, en gros, ça revient divisé par deux. Mais c'est le même que celui sur le petit lanceur Vega. Donc, ce propulseur à poudre, au lieu d'en fabriquer, si on fait silencieusement, au maximum 12 par an, vous allez en fabriquer 24 ou 30. Donc, automatiquement, le coût va baisser drastiquement. Et j'irai toute la logique, on a essayé d'avoir une organisation industrielle plus performante, plus rationalisée pour diminuer les coûts. Donc, on n'est pas comme chez SpaceX où SpaceX, 80% d'un Falcon 9 est réalisé dans l'usine de SpaceX. Dans une seule usine. Dans l'usine. Usine, ce qui permet de réduire les coûts quand même. Ce qui permet de réduire les coûts, mais c'est pour ça qu'il y a la mauvaise presse auprès du Congrès. Parce que ça veut dire que toutes ces installations sont en Californie et il n'y a rien dans le Massachusetts, il n'y a rien dans le Wisconsin, il n'y a rien, etc. Donc, on a toujours l'impression on parle toujours en Europe, le retour industriel, l'Europe c'est compliqué, etc. À votre avis, allez sur le site de la NASA et regardez combien la NASA a de sites à travers les États-Unis. C'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que la NASA, pour avoir un budget, c'est bien d'avoir un centre en Californie, au Texas, en Floride, mais aussi dans le Wisconsin, mais aussi dans le Massachusetts, etc. Pour que les élus votent pour. Hein. Pour que les élus américains votent pour le budget de la NASA. D'accord. Et donc, les Américains ont le même problème que les Européens, dans les faits. On n'en parle pas, mais il n'y a pas la même notion de retour géographique. Mais en fait, ça existe. Et il faut savoir que ça existait aussi en URSS. Et un des gros problèmes du spatial russe, c'est que ce n'est pas pour rien que dans le spatial russe, il y avait des moteurs ukrainiens, des morceaux de tel et tel pays. Parce que aussi en URSS, il y avait implicitement une notion de retour géographique. C'est ça. Alors Michel Faupe, on va en page 7 et ça ressemble pas à un satellite ce qu'on voit là. Ah non. C'est européen. On parlait d'innovation avec le New Space. Et là, il y a de la belle innovation avec Thales Alenia Space et le projet Stratobus. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors donc, on a vu que plus on était bas, mieux c'était. On voit mieux, on a des délais de transmission qui sont plus courts pour les télécoms. Et donc, en dessous des satellites, il y a des possibilités, notamment les ballons stratosphériques, c'est-à-dire des ballons qui sont juste à la limite de l'atmosphère. Et effectivement, la grande difficulté, c'est que ces ballons, ils sont normalement dans l'atmosphère, soumis au vent, et donc ils ne sont pas fixes. Et donc, l'idée de Thales Alenia Space, c'est de dire on va faire des ballons fixes. Donc, des ballons qui sont capables d'être pilotés pour résister, pour contrer la force des vents. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, on peut commencer, là aussi, à avoir des enjeux économiques différents, une équation économique différente, et se dire que pour un certain nombre d'enjeux, comme par exemple surveiller des frontières, on n'a pas forcément besoin d'aller équiper tout le globe terrestre en satellite et couvrir toutes les zones, alors que finalement ce qui nous intéresse est extrêmement local. Si on a un besoin local, il est préférable d'avoir une solution locale. Et donc si on est capable de faire un ballon dont la durée de vie est suffisante, c'est-à-dire qui évidemment ne passe pas 3 jours dans la stratosphère et puis ensuite redescend, mais qui est capable de vivre 6 mois ou 1 an sans redescendre, et dont on est capable de savoir où il est, enfin de maintenir sa position, on peut s'en servir pour beaucoup de choses de manière avantageuse. Voilà. Donc, et la taille d'un ballon comme ça, c'est quoi typiquement? Vous avez une idée? Aucune idée. D'accord, c'est grand. C'est quelques centaines de mètres, mais voilà. L'altitude, on vous demande l'altitude. Alors, la stratosphère, c'est 8 km. Ça sera peut-être plus haut que les... 8000 mètres. Ça sera 80 km. 80 km. Et on est, c'est du quasi-spatial. Pourquoi à 80 km, on est quasiment hors atmosphère. Donc, en fait, les conditions environnementales sont des conditions environnementales spatiales. En page 8, on a OneWeb, donc ça on en a déjà dit un mot, mais vous voyez en bas, vous voyez la taille de ce satellite. Des satellites, il y en aura jusqu'à 900 qui seront construits. Chacun pèsera environ 150 kilos. Et à certains moments de la construction, on en aura peut-être un qui sera construit tous les 4 jours. Hein, donc ça va être... Voilà, c'est ça qui est important, sachant qu'aujourd'hui, on fait des satellites en 36 mois. Hein, donc, on va passer de 36 mois à 4 jours pour construire un satellite, pas mal. 4. On en sort 4 peut-être par jour. Faux. Pardon, oui, 4 par jour. C'était tellement énorme que j'y ai pas cru. Donc c'est jusqu'à 4 par jour. Incroyable. Et puis Quantum, Eutelsat, c'est en page 9. Alors donc, c'est, je vous ai expliqué qu'il y avait des enjeux, il n'y avait pas que la solution en orbite basse hein, pour atteindre des objectifs. Donc il y a, à chaque fois qu'on passe à des constellations, il y a un prix à payer. Donc, il y a quoi, pardon ? Il y a un prix à payer. Oui, ça coûte cher. Donc un prix au sens performance. C'est-à-dire qu'on est obligé de sacrifier une performance au profit d'une autre. Donc quand on se met en orbite basse pour faire des télécoms, on va gagner sur le délai de transmission et sur la distance, donc le bilan énergétique pour réussir à faire la communication. En revanche, quand on est en orbite géostationnaire, là, on est tout le temps au-dessus du même point et donc on peut concentrer beaucoup de capacités. Et donc, quand il s'agit de desservir des populations comme les populations africaines, la question peut se poser. Est-ce que il est préférable d'offrir du luxe, c'est-à-dire une communication à très faible délai, ou est-ce qu'il est préférable d'offrir une grande capacité? Et donc, effectivement, le compromis entre ces deux problématiques n'est pas simple. Et l'une des réactions à la problématique des constellations, c'est-à-dire le fait d'essayer de s'emparer du marché avec un système global, c'est une réponse régionale. C'est de dire, je vais faire des satellites géostationnaires, mais je vais les faire flexibles. Je vais pouvoir concentrer ma capacité là où il y a réellement du marché. Donc, Quantum, c'est un satellite géostationnaire, flexible. Flexible, c'est ça l'important. Alors flexible, je crois que c'est illustré là, par la tache bleue et la tache rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable de concentrer une partie en fonction de l'évolution du marché, y compris pendant la durée de vie du satellite. Hein, il est capable de concentrer sa capacité là où il y a réellement du besoin. Ce qu'on appelle la capacité, c'est les transpondeurs, c'est-à-dire les télécommunications. Où est-ce que... Là où je peux offrir du débit. Voilà, où est-ce que je peux offrir du débit. Voilà, c'est ça. Clairement dit, c'est comme ça. On a fait le tour du livret. On avait une question ici de monsieur qui a été patient. Bonjour. Petite question sur l'ICT. Enfin, c'est le dernier nom, je crois, de la fusée de SpaceX avec 100 tonnes de charge utile, je crois, pour Mars. Je voulais savoir si ce projet-là vous semble réaliste. Est-ce que la fusée, c'est quelque chose qui va arriver vraiment dans 8 ans, comme Elon Musk le prétend? Alors Musk a toujours... Envoyer des hommes sur Mars selon Elon Musk, c'est en 2024. Hein. 2024-2025, oui. Bon, alors Musk a toujours fait des annonces temporelles qui n'ont pas toujours été tenues. Il y a deux aspects, c'est le faire un lanceur qui peut aller sur Mars, etc. Bon, il développe depuis longtemps son nouveau moteur méthane-NOx, méthane, oxygène liquide, qui permettra de faire un lanceur beaucoup plus puissant. Donc ça, il a fait les premiers tests du moteur. Est-ce que son lanceur sera disponible en 2024? Falcon 9, il l'a développé en 4 ans et demi. Maintenant, quand on voit la phase de passer en production opérationnelle, finalement, il ne met pas beaucoup moins de temps que nous. On a fait à l'époque d'Ariane 4 ou d'Ariane 5. C'est-à-dire que, bon, il a aussi des échecs qui sont des échecs que je qualifierais de production. C'est-à-dire entre faire le premier lanceur qui marche bien, etc., et puis ensuite apprendre à faire de la production industrielle. Donc ça, il est en train d'apprendre à faire de la production industrielle. Il va apprendre comme nous et après, ça marchera bien. Ce que vous êtes en train de dire, qu'on se comprenne bien, qu'il y a des échecs en ce moment. Il y a eu un récent échec là, de Falcon 9, c'est-à-dire sur le pas de tir. Ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu un lanceur exploser sur le pas de tir. Là, il y en a un. Pour vous, ça ne remet pas du tout le modèle en cause. Hein. Non, le lanceur marche. Maintenant, la problématique, c'est toujours pareil. C'est d'apprendre à fabriquer, faire de la production, que chaque lanceur marche bien, etc. Bon. Peut-être que derrière, les coûts vont augmenter, parce que ça veut dire mettre en place des systèmes qualité, ça veut dire mettre en place plus de contrôle, etc. Je dirais, ça aussi, c'est un coût que nous-mêmes avons appris dans les années 80-90 à travers d'Ariane 1, d'Ariane 3, d'Ariane 4. Développer un lanceur, je dirais, pourquoi pas. Peut-être pas 2024, peut-être 2030. Maintenant, la question, c'est de mettre des hommes dedans. Aller sur Mars, il y a quelques environnements radiatifs en particulier. Je voudrais juste citer un exemple parce que l'étude est sortie récemment côté américain. Le nombre d'astronautes tous les astronautes restent dans l'environnement magnétique terrestre, c'est-à-dire sont protégés des radiations par le champ magnétique terrestre, sauf les astronautes d'Apollo qui ont été sur la Lune pendant une semaine. tous les actuellement, les études de la NASA montrent qu'il y a le cas de décès par maladie cardiaque des astronautes qui ont été sur la Lune est supérieur à tous les autres astronautes qui ont vécu sur qui n'ont pas volé, c'est-à-dire par rapport à la population d'astronautes. On sait que tous les gens qui sont traités pour un cancer par des radiations ont des problèmes cardiaques. Donc, pour vous, c'est l'étude scientifique. Ouais. Rester une semaine hors de la protection du champ magnétique terrestre pose un problème. Et là, quand on part sur Mars, oui. On part de 1 an et demi, 2 ans. Donc là, il y a toute cette problématique. Techniquement, faire un lanceur, poser une capsule sur Mars, la ramener sur Terre, c'est faisable. C'est qu'une question d'argent. NASA estimait qu'il faut faire ça. Il y a des protections contre les radiations. Non. Les radiations galactiques, etc., les énergies sont tellement puissantes. À moins que vous décolliez avec, 20 cm, 30 cm de plomb autour de blindage de plomb. Et encore, les problèmes des radiations galactiques, c'est si vous les arrêtez, elles produisent des radiations secondaires qui, elles, ne sont pas arrêtées. Donc, il y a vraiment encore des problèmes à résoudre. Non, je pense que ce qui intéresse, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être résolus. Il y a des problèmes qui existent, ils seront traités. On peut imaginer qu'entre 2030 2040, la NASA souhaite faire une mission habitée sur Mars. Je pense que le positionnement de MOSS, c'est un, tuer le SLS, c'est-à-dire le gros lanceur de l'administration américaine, et de dire si en 2030, 2040, il y a un lancement habité vers Mars, la mission sera NASA, les astronautes sont NASA, mais le lanceur, il sera SpaceX, la capsule, elle sera SpaceX. Et je pense que c'est son objectif numéro un. Maintenant, il n'y a pas de secret. Il y croit. Je ne sais pas si vous avez lu je vous conseille de lire la biographie d'Elon Musk parce que c'est intéressant. Ça permet de se plonger dans ce monde Internet, etc. Et il y a dans cette biographie, il y a un moment qui est excellent, je trouve. Il y a tout le personnel. Si vous regardez un petit peu les forums de discussion autour de SpaceX, vous découvrez rapidement que chez SpaceX, les gens bossent 80 heures par semaine et sont mal payés. Mais ils ont des stock options. C'était la même chose chez Tesla. La différence, c'est que Tesla est rentré en bourse, donc tout le personnel de Tesla. Et comme Tesla, en 2014-2015, a été une des plus fortes croissances au Nasdaq, les employés de Tesla ont gagné beaucoup d'argent. Le problème, c'est que SpaceX n'est pas en bourse, et donc le personnel régulièrement réclame à Elon Musk de rentrer en bourse. Et il y a un mail qui est reproduit dans sa biographie où il explique éventuellement vendre les stock options. Il y a un mail dans sa biographie, donc il explique à l'ensemble de son personnel, il rappelle à l'ensemble de son personnel, donc il comprend parfaitement le souci de son personnel d'aller en bourse, mais il rappelle que le but de SpaceX, c'est la colonisation de Mars, que ça, des actionnaires en bourse, ils ne vont pas comprendre. Ils voient très bien que chez Tesla, le fait qu'il soit en bourse, ça lui pose des problèmes. Et donc, tant que, je crois qu'il utilise le terme, enfin c'est en anglais, mais le terme de voie martienne, n'est pas figé, garanti au niveau de SpaceX, il n'ira pas en bourse. Donc, il croit, il n'y a pas de... Elon Musk souhaite, veut aller sur Mars. Maintenant, comme je dis, minimiser ce qu'ils ont fait. Falcon 9, tout ça, c'est des technologies classiques qu'ils ont su utiliser au maximum de leurs possibilités. Là, quand il s'agit d'aller sur Mars, il s'agit de faire des choses que personne n'a jamais fait avant. On n'est pas tout à fait dans la même problématique. Techniquement, c'est faisable. Il y a maintenant tous les problèmes. Mais il l'a dit lui-même dans sa présentation. Il y aura certainement des morts. Moi, ce que je fais, c'est que je transporte. Après, le reste, c'est autre chose. Et le reste, c'est les supports vie, c'est la tenue aux radiations, c'est tout ça. Part, ce n'est pas son choix. J'aimerais bien savoir quelle est la vision du CNES et de l'ESA en termes d'exploration spatiale et au-delà, par exemple, de la mission ExoMars. Alors là, ça va être... L'exploration, c'est conquête, ce qu'on appelle la conquête, c'est-à-dire l'homme dans l'espace. L'homme dans l'espace ou la femme dans l'espace. Alors, c'est un peu difficile de parler au nom à la fois et du CNES et de l'ESA, et de manière brève. Donc, Ceci étant, donc, du côté de l'ESA, la première chose que le nouveau directeur général de l'ESA, quand il a pris ses fonctions, M. Werner, a fait, c'est... Donc l'Agence spatiale européenne. Voilà, ça a été de proposer une initiative qui s'appelle le village lunaire. Donc, ce qui montre une forte volonté de l'Agence spatiale européenne de prendre une initiative en matière de vol habité. Voilà. Donc, ce que veut dire, ce que recouvre cette notion de village lunaire est extrêmement large ou flou, comme on veut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste à construire. C'est un concept autour duquel il essaie de rassembler les choses. On ne sait pas si ça va être un réel village ou un campement. Ou bien ce qui est important, c'est cette volonté de dire on ne va plus sur la Lune pour visiter. On va sur la Lune pour y rester un certain temps, pas forcément longtemps. Alors, ce n'est pas si simple, hein, parce que rester sur la Lune, à un moment donné, on va passer dans la nuit lunaire. Hein, et jusqu'à présent, rien n'a survécu à la nuit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on est allé sur la Lune, on est resté au jour. Donc, il fait chaud, enfin, relativement. Par contre, quand la Lune passe en phase... de nuit, effectivement, les températures sont si faibles qu'aujourd'hui, il est peu probable que les électroniques survivent. Je crois qu'on voulait se mettre sur des pics en haut de montagne qui sont toujours à la lumière, non ? Oui, alors... Je ne suis pas sûr qu'elle reste toute à la lumière, mais en global, effectivement, il faut qu'on trouve des solutions à cette problématique-là. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas si simple de dire je vais sur la Lune et je vais y rester un certain temps, mais c'est la démarche, c'est ce qui est annoncé, c'est un élan dans lequel il reste à construire ce que l'Europe et puis le reste du monde hein, peut venir contribuer à faire à travers cette démarche de village lunaire. Par ailleurs, la NASA a exposé, donc américain, hein, a exposé sa proposition de voyage vers Mars, donc sa feuille de route qui amène sur Mars, cette fois-ci en 2042. Alors, je vais juste compléter les choses. Hein. On a quand même Mars, c'est pas une planète sur laquelle on n'a pas travaillé. C'est peut-être celle vers laquelle on a envoyé le plus de choses. On a fait 46 missions vers Mars, 28 échecs. Donc, c'est pas simple de prévoir d'aller sur Mars. Donc, c'est pas idiot que dans un programme robuste, on ait prévu qu'il faille, avant d'aller avec des hommes sur Mars, traiter tous les problèmes et que ça nous amène, avec les budgets qui sont disponibles au niveau étatique pour ce genre de choses, à 2042. Ce n'est pas absurde, ce n'est pas des gens qui réfléchissent de manière éhontée. Et donc, dans cette feuille de route, c'est une feuille de route internationale, donc la NASA l'a présentée, ils sont venus en Europe, il y a des discussions, et il y a effectivement, là aussi, une réflexion, qu'elle soit au niveau national, donc au niveau du CNES, ou au niveau de l'ESA, sur les contributions, donc... que l'Europe pourrait faire à cette feuille de route. Et là, on a identifié les technologies, là où on a du savoir-faire qui est complémentaire de celui des Américains, là où on voudrait investir. Donc, cette démarche est en cours. Et par ailleurs, puisqu'il y a une démarche d'alliance entre le privé et le public du côté américain dans une démarche de comment on fait pour aller plus vite vers Mars, c'est-à-dire pour raccourcir cette feuille de route vue par les instances publiques avec, en alliant des acteurs privés. Il y a aussi une réflexion du côté européen, alors cette fois-ci au moins en matière de retombées, c'est-à-dire de faire en sorte que les actions qui sont mises en œuvre pour aller sur Mars, qui vont nécessiter énormément d'activités autour du support vie, qui est un des secteurs sur lesquels l'Europe a des compétences à faire valoir, eh bien que toutes ces technologies qui seront développées pour protéger des êtres humains dans des milieux hostiles soient réutilisables au sol pour d'autres applications. Donc allier effectivement des acteurs terrestres européens à une démarche d'exploration, enfin de contribution à l'exploration. Voilà ce que je pouvais dire assez rapidement. Donc il y a bien une réflexion, elle est mise en œuvre, elle commence à prendre corps et les contacts avec ces différents acteurs se font. Alors on va bientôt se quitter et on a une dernière intervention de monsieur. Bonjour. Donc vous parliez tout à l'heure des micro-lanceurs tels que les Néo-Zélandais de chez Rocket Lab. Est-ce que l'Europe compte se placer sur ce marché ? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'était pour revenir au Stratobus. Est-ce que dans la stratosphère, est-ce qu'on considère les frontières ou pas ? Parce que dans l'espace, il n'y a pas de frontières, mais la stratosphère, ce n'est pas l'espace. Alors, la première question, c'est là encore, c'est toujours difficile de parler au nom de l'Europe hein, sur des positions en matière, est-ce qu'elle veut se positionner, l'Europe elle-même, sur les micro-lanceurs. Il y a des acteurs européens qui veulent se positionner, donc il y a des initiatives dans différents pays et qui obtiennent un support plus ou moins bienveillant de leurs agences nationales. Donc il y a une dynamique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une volonté de positionnement. Donc, voilà. Et la deuxième question, donc effectivement, la stratosphère est juste à la frontière entre le domaine aérien et le domaine spatial. Et donc, dans le domaine aérien, on a un espace aérien national. Il y a des frontières et au-dessus, il n'y en a pas. Et on est juste à la frontière. Donc, comme dans tous les cas, on applique les deux en ce moment, donc en fonction des jurisprudences. Donc, il n'y a pas de réponse unique à la question. Alors, on va se quitter. J'ai bien vu que vous aviez encore une question. Je pense qu'il y en a encore, mais je suis certain que nos intervenants vont rester encore quelques instants. Vous pouvez aller les voir. Ah non, c'est fini. Non, c'est fini. Non, ça y est, on leur avait dit 2 heures. C'est fini, là. Ah, ils sont durs. oui, avant qu'on se quitte, un dernier petit mot quand même sur ce Startup Weekend. Hein. On me signale que vous pouvez venir avec quelle que soit votre idée. Vous n'êtes pas ingénieur, peu importe. Vous pouvez participer. Et il y a un jeune homme qui est là en chemise bleue et qui viendra ici à la fin. Et si vous avez des questions à lui poser, il est le représentant du Startup Weekend. Je voulais vous signaler également qu'on a un beau mardi de l'espace le mois prochain. Star Wars entre mythe et réalité, et on aura Roland Lehoucq qui sera présent. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un scientifique, un physicien, et sa grande spécialité, c'est d'aller voir du côté de la fiction, du côté des Battlestar Galactica ou que sais-je. Donc voilà, Star Wars, c'est le 13 décembre et on va pouvoir en parler donc avec Roland Lehoucq. J'ai oublié quand même de vous signaler une chose importante, c'est qu'évidemment les mardis de l'espace sont organisés par le CNES, qui est l'agence spatiale française, dont M. Raguin et M. Faubes sont des représentants. Voilà, c'est la fin de ce bar des sciences. On a parlé beaucoup de New Space, mais vous avez compris que quand on parle de New Space, ça signifie qu'il y aurait un Old Space. Mais c'est peut-être ce New Space qui lui-même va devenir old un jour. Hein, les choses se démodent. Et au fond, on est peut-être en train d'aller vers un open space. Un open space, c'est-à-dire un espace qui soit ouvert entre le public, le privé, vers de nouveaux partenariats, ouvert sur, en termes de recherche, en termes de développement, en termes d'investissement, avec des nouveaux acteurs, des Total ou des Monsanto, que sais-je, qui commencent à se mettre aussi dans le spatial. Et puis un espace qui soit aussi ouvert sur la société, sur les besoins de la société. On voit qu'il y a vraiment des bouleversements et que l'Europe répond présent avec Ariane 6 hein, dans le domaine des lanceurs, avec un OneWeb aussi, par exemple, dans le domaine des satellites. On est bien présent et je crois que tout ça, on l'a très, très, très bien compris, bien saisi, grâce à nos deux intervenants ce soir. Je vous demande de les remercier chaleureusement, M. Raguin, M. Faubes. Merci beaucoup à vous. Bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.